Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Reiki. Alexandrine Pichissier viendra feuilleter son magazine radiophonique Les Précieuses Découvertes. Et on mangera peut-être des feuilletés ou d'autres gâteries dans une grosse pointe d'allresse. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 22 octobre 2015, 187 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania. Salut. Comment se passe ton matin, toi? Hey, je te dirais qu'il fait pas mal noir dehors, puis ouais. Ça rajoute la fatigue à tout ça. On a l'impression d'être à Salut Bonjour. Ouais. Où l'émission commence genre à 6h du matin. C'est ça, exactement. Je pensais rentrer puis que la chasse-galerie serait même pas fermée encore. T'sais. Ou encore, j'ai l'impression d'être très très tard hier soir après avoir fait le Mathieu Plante Show. On est resté puis on fait de la radio. C'est vrai. Bref. Puis en plus, il mouille. Il fait super pas beau aujourd'hui. C'est la journée parfaite sur laquelle terminer la semaine. Ouais. Mais regarde qui nous avons dans le studio pour nous égayer ce matin. Allô. Salut Alexandrine Pichessire. Bonjour. Ah, ça va bien? Oui, en fait, c'est moi qui ai commenté cette température de crotte pour ma chronique cosy. Ah, tu dis ça, voilà. Toi, crotte. Ah, ben oui. Des choses pas mal pires que ça. Hey! En tout cas, je m'attendais à mieux de toi. Oh, Max. Ah, ben non, c'est pas vrai. Donc, on va faire ta chronique dans quelques instants, mais le temps de vous dire que dans l'émission d'aujourd'hui, on est jeudi, donc on va faire une grosse pointe d'allresse. On va goûter un produit du dépanneur ou du magasin du coin. Quelque chose de gras, quelque chose de sucré, quelque chose de trop salé. Te connaissant, ça va probablement être salé. Hey, tu sais-tu quoi? Je suis tellement aux deux. Je suis tellement herbivore. Bi-salé, bi-sucré. C'est ça? Non, peut-être pas, on sait pas. Oh. J'ai peut-être deux produits dans mon sac et peut-être que j'ai déterminé l'ordre. Peut-être, parce que ça serait bien parce que moi j'ai oublié d'y passer. Ah, il faut que je fasse les deux miens aujourd'hui. Je voulais regarder pour la semaine prochaine. On peut faire ça. On verra tantôt. On verra. Une grosse pointe d'adresse. Alors, on a aussi Tania Is Gonna Hate Tania. Qu'est-ce qui s'en vient plus tard? Hey, je fais la chronique qu'on était censé faire hier. Par contre, on a eu tellement de plaisir avec nos chroniqueurs que j'ai pas eu le temps de la faire. Alors, il restait 10 minutes à l'émission, puis elle se permettait de poser d'autres questions à notre chroniqueur. Ben ouais. Oui. Oh, ouais, prends plus de temps encore. Comme ça. C'est ça. Mais c'est parce que je voulais garder le meilleur pour la fin. Oh! Ce qui est jeudi. Alors, aujourd'hui, en fait, je vous parle des gens qui ont de l'argent. Oh, ça, c'est fun. Eh bien. J'en dis pas plus, là, comme à chaque fois. Vous allez voir quand ça va être le temps de la chronique. Tu nous rends curieux. C'est ça. Ah, voilà. Ben, vous l'avez entendu tantôt, Alexandrine Pichessier est avec nous pour sa chronique bi-hebdomadaire. Il y a beaucoup de prononciation de bi aujourd'hui. Ben, c'est la journée des bis, ça a l'air. On se donne des bis. Oh! Oh oui, elle est pleine d'amour. Voici ses précieuses découvertes. Alexandrine Pichessire. Ah, bonjour Mathieu Plante, ça va bien? Salut, ben, bien sûr que ça va avec toi, toujours. Mais là, je suis un petit peu déçue, par exemple, Mathieu, parce Qu'est-ce que tu m'avais dit que j'allais avoir une chanson thématique à ma prochaine apparition, chantée par nul autre que toi. T'as raison. Ah, c'est vrai, tu avais dit ça. Garde, elle s'en souvient. T'as manqué à l'appel sur celle-là. J'espère que pour la prochaine fois, ça va être fait. OK, attends un peu. J'ai une petite idée. OK. On va essayer quelque chose, mais ça veut pas dire que ça va être bon, là. Ah, j'aime ça du live. Ça va être bien gros. Je vais faire n'importe quoi, là, tu sais. Attention, faut que je me mette la musique. OK, ça commence directement avec les... OK, parfait. Attends. Alexandrine Pichessire, elle est précieuse, il fait qu'on a envie de rester découverte, hein? Oh, c'est bon, j'adore! Mathieu, t'es tellement créatif! Ah, merci de l'improvisation, hein? Ouais. L'improvisation! Yeah, vive pro! Okay. Bon, donc, ton magazine est ouvert, on a le doigt bien, trempe, pour passer d'une page à l'autre. Oui, c'est vrai. C'est mixé les doigts. C'est un peu dégueulasse. Moi, je sais, je l'ai fait les deux semaines aussi, puis je l'ai regretté instantanément. Alors, pour aujourd'hui, petite chronique cosy, parce qu'on a une température qui s'y prête. Et qui veut qu'on reste dans les couvertes, je l'ai dit dans l'intro. Exactement. Je l'ai chanté, fait que c'est vrai. Puis en plus, on s'entend que c'est la fin de session, on est fatigué, on est à bout. Là, il faut se repimper. Alors, aujourd'hui, brièvement, nous allons parler de betteraves. Okay. Nous allons parler de traitements capillaires parce que tout le monde sait qu'avec les changements de saison, les cheveux ils rushent. Ouais, mais et nous allons aussi parler de ma découverte musicale préférée d'amour. Oh, cute. Alors, commençons avec la betterave. Mm-hmm. La betterave, c'est un de mes légumes préférés. Allez deviner pourquoi. Parce qu'il est rose! Oh! Ah! Oui, ben en fait, j'aime ça parce que tout ce qui est fait avec de la betterave, c'est rose. On dirait que ça fait précieux. Ça rajoute du bonheur dans la journée. Alors, nous allons parler maintenant des bienfaits de la betterave. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, les bienfaits de la betterave? Hey, c'est une bonne question. Je pensais... Ben, c'est sûr que c'est un légume, donc il y a des bienfaits à ce que ça soit santé. Oui. C'est un légume racine, en plus. En plus. Je vais dire un peu comme les carottes pour les yeux, la oui, vision. Oui, exactement. Yes! C'est bon pour la santé oculaire. Donc, selon plusieurs études, un apport régulier de lutérine et de zéaxanthine et de caroténoïdes, oh, ça, c'est des choses que je connais bien, contenues dans les feuilles de betterave serait associé à un risque plus faible de dégénérescence maculaire de cataracte. Ah. Tu vois, je l'aurais pas dit dans ces mots-là. Moi non plus, mais... d'ailleurs. C'est plus détaillé. C'est ça. Moi, je dirais, étant donné que c'est rouge-rose un peu, je dirais peut-être quelque chose avec le cœur. On dirait que ça me rappelle le cœur. Je pense que non. Non. 1-0. Mais en fait, c'est pourtant bon pour le cancer de la peau, du foie et du poumon. Bon. Ah, donc t'étais pas loin avec ton rose quand même. Le c'est poumon, ça. C'est rose. Ouais. Le c'est comme le foie aussi. Ouais, en fait, c'est bon justement pour ces trois choses-là. Ça a aussi, pour les filles, on aime ça, un pouvoir antioxydant. Ah. Un peu comme les bleuets. Oh, donc, ouais. ça libère tes toxines, puis ça te fait une super belle peau après. Puis ça aide aussi à la performance sportive. Alors, ça donne de l'énergie, ça donne de la bonne humeur, comme je le disais. Ça te donne une belle bête. Hein? Ben oui, exactement. Bon. Ça donne du teint. C'est ça. Des petites belles joues roses. Oh, oui. Plus besoin de mettre de blush. Ah, alors, voilà. J'ai sorti mon beau livre préféré de 3 fois par jour. Pourrais, je pense... Oh! Mon Dieu, mon micro. Je pense que je pourrais faire quasiment la chronique radio de 3 fois par jour dans cette émission. Ben oui, hein? Mais alors... Est-ce qu'il nous donnerait beaucoup d'argent pour qu'on fasse ça? Je sais pas, faudrait demander à Marie-Lou. Alors, mes deux recettes préférées à la betterave sont, premièrement, l'humus à la betterave. Ah oui, mais j'ai entendu parler de l'humus à la betterave. J'avais jamais goûté. Je l'ai vu à l'épicerie, ça s'achète, ça. Ah ouais? Ok, déjà tu fais? Oui, ben, c'est toujours mieux nous-mêmes. Ben oui. Alors, je vous fais brièvement la liste des ingrédients. Une tasse de betterave pelée. Faites attention avec les betteraves parce que ça tâche les doigts. Ah, mon Dieu. Ben oui. De façon assez exceptionnelle. Là. Puis si tu fais pas attention, il y en a partout dans la cuisine. Ouais, puis je conseille le petit tablier aussi mm-hmm. pour pas briser l'outfit parce que tout le monde sait qu'on s'habille bien quand on cuisine. Il faut une pointe de pois chiche, une demi-tasse d'huile d'olive, une demi-tasse d'eau, une demi-tasse de tahini qui est du beurre de sésame. Ah. Dans le fond, ça, c'est fait pour tous les humus. On rajoute de l'ail, du jus de citron, du sel, du poivre. Et là, on met tout ça dans le blender. Et ça fait de l'humus. C'est pas très, très compliqué, à part l'étape des betteraves, tu sais, de faire cuire, oui, justement, puis peler les betteraves. Exactement. Je pense que c'est qui le plus long. Puis moi, ce que je conseille, dans le fond, on peut faire une plus grosse quantité de betteraves, puis sont déjà cuites pour soit d'autres recettes, ou pour se faire un petit canage. Ah, oui. C'est beau. Mais c'est le fun, la betterave dans le blender, puis là, toutes les betteraves dans la maison, tu veux faire un party, tu vas appeler ça un bet rave, tu sais. Oh, un bet rave. Ben oui. Oh Mathieu, tu m'étonneras toujours de tes jeux de mots. Ah, incroyable. Un betterave. Et l'autre recette que je n'ai pas sous la main, mais que je peux vous parler parce que je l'ai goûtée, et sincèrement, c'était le paradis dans ma bouche. C'est pas que je suis pas fine aujourd'hui, j'ai pas de... C'est pas grave, on te pardonne. On te jugeait un peu, mais là, vu que tu t'excuses... Mais maintenant que t'es rendu jeudi en plus, ça veut dire que tu peux nous en amener. Tant que j'amène pas de quoi avec des pommes, pauvre petit chou. Alors, l'autre recette que Marie-Lou nous propose, qui est beaucoup trop parfaite pour la journée et le temps dans ce moment, là, c'est sa crème de betterave avec du beurre d'amande à l'intérieur. Drôle de mélange. Ça a l'air d'un drôle de mélange, mais ça goûte... Je pourrais pas dire, il y a aucun mot pour décrire comment cette recette est succulente. C'est onctueux, c'est crémeux. C'est ça, ça doit vraiment venir ajouter un goût crémeux avec le beurre d'amande. Mais on le goûte pas tant que ça, tu prends pas une bouchée puis tu dis « Oh mon Dieu que ça goûte le beurre d'amande ». La betterave est beaucoup plus présente, mais oh, j'y pense puis j'ai des petits frissons. Oh. Alors, c'est la bête Midler des bêtes. Oh! Tu sais, tellement que ça te donne chaud au cœur. Hey. Bette Midler. Lâche pas toi avec les betteraves à matin. Hein? L'une n'attend pas l'autre. Lâche pas ta job de jour, comme on dit. Deviens pas humoriste. Alors, si vous voulez trouver ces recettes, je vous conseille fortement de vous acheter le livre de 3 fois par jour, parce qu'en plus de ces recettes de betteraves qui nous redonnent plein de belles couleurs, ben, il y a des photos de Marie-Lou. Il y a des photos de Marie-Lou, puis il y a beaucoup d'autres très bonnes recettes aussi. D'accord. Ah, il y a de belles photos, là. Tu sais, toutes les photos sont faites par son chum. Son mari, maintenant. Ouais. Mais non, mais les photos sont vraiment bien faites. Son chum. Ben, c'est pas ce que j'ai dit, non, et c'est pas ce que je vais dire non plus. Okay. Mais les photos, il fait de très belles photos. D'accord. Puis moi, là, je vais vous dire en ce moment un petit côté dark de ma personnalité. Là. Oh, je pense que c'est mon plaisir coupable. Ce que j'aime, c'est faire la recette. Tu sais, comme faire un petit setup, prendre une photo avec mon iPhone, la mettre sur Instagram, faire comme hashtag 3 fois par jour. Ah, c'est cool. Puis là, ben, Marie-Lou, elle like ma photo. Oh, c'est fun! T'aimes tellement ça. Alors, si ça vous voulez... approche d'elle. Si vous voulez me follower, puis voir mes... je suis tellement famous. Oui, voir mes photos sur mon Instagram, daydreamer1506. OK. Daydreamer1506, tu parles de... J'imagine que t'es née le 15 juin. Oui. Bravo, Mathieu. Le punch s'est brisé. Alors, c'était tout pour la section culinaire. Ah, mais on aime ça. Ça donne vraiment le goût d'essayer les deux recettes. Oui. Mais ouais. Tant qu'à faire des... T'sais, c'est tellement chiant faire cuire les betteraves que t'en fais une grosse batch. Ouais, je suis d'accord. Tout à fait. C'est quoi la prochaine page? La prochaine page, musique. Oh! Okay, voilà, c'est la page musique. C'était chanté par Mathieu Plante, là, pas par Alexandrine et moi, je tiens à dire. Je pense que je vais faire la prochaine, Mathieu, OK? D'accord. Tu me laisses-tu? Alors, je serais peut-être pas originale avec ma découverte musicale, sûrement qu'on en parle partout, mais je tenais absolument, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu ou découvert, parler du nouvel album des Sarboulés. Ah. Est-ce que vous l'avez entendu un peu? Un peu dans le palmarès. Un petit peu, oui. Ouais, c'est ça. Il est exceptionnel. En fait, avec mes amis, les Sarboulés, c'est les nôtres. Là. On les aime vraiment beaucoup, on les écoute souvent. Puis là, leur album, en fait, il est sorti le 15 octobre. Oh, donc, ça serait 15-10 et non pas 15-06. C'est ça, exactement. 15-10-2015. Alors, c'est tout récent, mais c'est vraiment une grosse doudou à se mettre dessus. Alors, on va commencer par écouter un extrait. En fait, l'album s'intitule 4488 d'amour. C'est beau, juste ça, c'est cute. Oh, oui. Puis on les aime, les sœurs. Alors, la chanson qu'on va écouter, Mathieu, est-ce que tu pourrais me la nommer? Bien sûr! Je te la nomme à l'essai, c'est Andaman Islands. Andaman Islands. En fait, mon amie Laurie, elle qui porte des ponchos qu'on a déjà parlé, oui. est allée voir le lancement. Oh. Puis elle m'expliquait qu'ils ont écrit cette chanson-là parce qu'une des deux sœurs était un petit peu à... Elle avait over là, de la tournée. Donc, elle est partie prendre des cours de plongée dans un pays chaud, je pourrais pas dire lequel. Et bien, elle est tombée amoureuse de son instructeur de plongée. Oh. Et étant donné qu'il habitait pas dans le même pays, bien, elle a écrit cette chanson. Alors, je vous invite à porter une attention particulière aux paroles qui sont vraiment magnifiques. Et surtout à la fin, les trois dernières lignes, surtout. Les Sarboulés, Andaman Islands, à Assemblage Rookie. Bouche d'argent et jour rougis, j'aurais voulu plus jamais dormir dans mon lit. Des petits cailloux dans ton châssis, me laisserais-tu entrer pour ma dernière nuit? Je sais que t'es une bête sauvage, c'est tous tes amis qui me l'ont dit. Je parle pas tout à fait ton langage, moi j'ai peur des loups, puis j'ai pas d'amis. Montréal, c'est vrai que c'est pas la porte d'à côté. Mais ce que je voudrais le plus, c'est te ramener avec moi. Quand il fera beau, tu pourras même enlever tes souliers. Ce qu'on a vécu, nous deux, ça se prend take out. T'es meilleur à roche-papier, ciseaux. Puis pour faire des ronds de bouquins dans l'eau. Mais je veux plus gagner à tous les jeux. La guerre en amour, c'est pour les peureux. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. coin en origami. Une case pour non, trois cases pour oui. Je te ferai à croire que c'est le hasard qui a décidé. Montréal, c'est vrai que c'est pas la porte d'à côté. Mais ce que je voudrais le plus, c'est te ramener avec moi. Quand il fera beau, tu pourras même enlever tes souliers. Ce qu'on a vécu, nous deux, ça se prend tes cartes. Deux âmes qui se connaissent, c'est difficile à trouver. Si t'es comme les loups, c'est sûr que tu m'oublieras pas. Mais si la chance est mal commode, s'enfarge les pieds. T'étais beau, t'étais fin, pis bye. Tu sais, ça finit tellement brusque. T'étais beau, t'étais fin, pis bye. Bye, là. Oh! Mais là, on veut savoir, il faut lui poser la question si elle a réussi à lui envoyer ou, tu sais, quelque chose. Des sextes. Je parlais est-ce pas de ça. Est-ce qu'on fait ça sur Skype? On sait pas, tu sais. On sait pas. C'est pas ce qu'ils font, les sœurs boulées sur les internets. Non. Mais on veut savoir. Sinon, deux autres coups de cœur que j'ai sur ce CD, c'est la chanson, c'est la deuxième, Fais-moi un show de boucan. Ah oui, c'est elle qui est dans le palmarès mais d'ailleurs. Ouais, mais super dynamique, puis c'est cute, tu sais. Sinon, l'autre, personnellement, que je trouve vraiment mignonne, c'est la chanson Maison. Oh! Puis tu sais, elle parle que dans le fond, t'es avec son amoureux dans un grand lit, puis que c'est leur maison, puis qu'ils vont vieillir là ensemble, puis que c'est beau! Ah, attends, donc ben tout le temps en amour avec du monde différent. Ouais, ben là, sont deux. Pis c'est pas juste des gens différents, Mathieu, ça peut être avec la même personne. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Alors voilà, écoutez les sœurs boulées dans une doudou, aujourd'hui en mangeant ta betterave. Ah, la vie est belle. Ah. Et pour remettre tout ça, bien sûr qu'il fallait le petit... Oh, on change de capsule. Oui, mais c'est toi qui l'as fait, tu m'as dit qu'il fallait la faire, fait que fais-la bien. Pourquoi j'ai dit ça? Ok, bon, alors, art de vivre. Art de vivre. Ah ouais, c'est vrai que c'est beau. Ok, voilà. Merci. Quand je vais me répéter, peut-être que j'aimerais pas ça. Mais c'est alors, mieux que la mienne, en tout cas. Les filles, on sait que les changements de saison, c'est donc ben plate pour les cheveux. Oui. Vraiment. En fait, l'automne, moi, ça va, mais c'est le printemps, habituellement, c'est catastrophique. Mm-hmm. Mais je sais qu'il y en a que l'automne aussi, c'est plus difficile. Puis on s'entend qu'une journée comme ça va pas te friser les cheveux, filles. Non, ça tombe à plat pas mal avec ça. Hein. En fait, ça tombe à plat ou ça frise plus. Moi, ça gondole, moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait un petit grichu dégueulasse que tu peux plus te débarrasser. Bref, Alexandrine est là pour vous. À la rescousse. Et je vous ai sorti trois recettes de soins capillaires naturels. Oh! Parce que moi, ce que j'aime, c'est justement, j'ai envie de me faire un traitement pour les cheveux. J'ai tout sur la main déjà. Alors, des légumes, des fruits, du rhum. Ah. Alors, oui, exactement. Pas des betteraves, toujours? Ah, si tu non. Tu teindre les cheveux roses? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, le pigment qui est dans la betterave est utilisé, c'est un produit loche qui s'appelle un caca. C'est drôle à dire, wow. Hein? Mais c'est un caca rouge, en fait, c'est du henné. Je sais pas si tu utilises le pigment de la betterave, mais c'est une teinture naturelle pour les cheveux. Alors, pour les gens un petit peu plus soucieux de leur santé, qui veulent se teindre les cheveux, qui nous écoutent, le caca de chez Loche. Voilà, c'est dit. Ça va bien. Retenir, en tout cas. C'est oui. Il y a du brun puis du rouge. Alors, trois recettes pour la santé capillaire. Alors, première recette, pour les cheveux abîmés, une lotion nourrissante au rhum. Ce mélange étonnant au rhum et à l'huile d'olive va réparer en profondeur le cuir chevelu et les cheveux fatigués. À consommer sans modération. Oh! Ah, ça aurait tellement fait une pub de trucs de cheveux. Alors, les ingrédients, tout simple, une cuillère à café d'huile d'olive et une cuillère à café de rhum. C'est tout? C'est tout. Ah, mon Dieu. En fait, ben, sûrement pour les cheveux courts, parce que moi, je lis ça, je me dis, oh mon Dieu, j'en aurais pas assez pour ma longue tignasse. Alors, le mode d'emploi, on mélange la cuillère à thé d'huile d'olive et la cuillère à thé de rhum ensemble. On applique la lotion le soir en massant le cuir chevelu et on va se coucher. Puis le lendemain matin, on se lave les cheveux. Ah, ouais? Je vais essayer ça. J'aimerais ça que tu l'essayes et que tu me dises ce que tu en as pensé. Moi, je peux en essayer un, puis Mathieu, t'essayes l'autre. Ah, ben oui. Ça te dit-tu quel rhum il faut utiliser, tu sais, comme. Épicé, brun. Mais en fait, moi, je conseillerais de prendre un rhum cheap, étant donné que tu ne le consommes pas oralement. Ouais, bon, j'avoue. Puis prends pas de la vinaigrette pour salade romaine. S'il te plaît, Tania. Ouais, je suis non premier. Mais ça, en fait, les traitements comme pour la nuit, c'est aussi quand je suis allée au Maroc, il y avait de l'huile d'argan qui est présente dans beaucoup de shampoings, puis ils faisaient le même traitement aussi. Si vous voulez en savoir plus, on a notre émission de voyage Maroc classique les vendredis et fondus. Oh, avec Alain. Oh, oh. Ouais. Alors, sinon, il y a aussi un autre traitement, crème capillaire régénérante. Cette crème capillaire, dont la recette fait penser à celle de la mayonnaise, va redonner un coup de fouet à ses cheveux épuisés. Résultat soyeux et éclatant, garanti. Oh. Celle-là, je l'ai déjà essayée, en fait, puis pour vrai, ça fonctionne. Ah ouais? T'as l'impression d'avoir de la guacamole dans les cheveux. Ah. Mais, sérieusement, ça donne un petit coup de pouce. Alors, t'as des chips, t'es quand même. Oui, c'est ça. Tu peux comme, c'est un deux dans un. Alors, on utilise un œuf entier, un jaune d'œuf, une demi-cuillère à soupe de jus de citron et une tasse d'huile d'olive. Une tasse d'huile d'olive, d'avocat ou de sésame non raffiné. Moi, j'ai acheté des croutons à ça. Vraiment, hein? Ça fait ouais. Vraiment mayonnaise. Alors, on monte une mayonnaise au batteur avec un œuf entier, un jaune, une demi-cuillère à soupe de jus de citron et une tasse d'huile d'olive ou l'avocat ou le sésame non raffiné jusqu'à ce qu'on obtienne une mayonnaise bien ferme. Ensuite, on met ça sur les cheveux. Ça fait comme une espèce de masque qu'on peut garder une trentaine de minutes. Et après ça, on rince avec le shampoing et on rajoute le revitalisant. Est-ce que c'est juste pour les longueurs ou c'est vraiment tout, même le top? Ben moi, ce que je fais quand je me fais un masque capillaire, ouais. C'est que j'en mets plus sur la pointe parce que c'est le bout qui est plus abîmé. Mm-hmm. Puis je vais en mettre sur la racine, mais un petit peu plus tard ou un petit peu moins. Okay. Un peu comme quand on se fait une teinte. Ouais, non, c'est le contraire. C'est juste le contraire, la teinture, mais c'est pas grave. Puis comme le revitalisant, mettons. Faut que tu t'aimes ça aussi pour pouvoir aller voter avec ton masque aussi. Ah oui, avec le masque ouais. Capillaire. Oui, les gens vont sentir, ils vont trouver que tu trouves drôle, c'est que ça. Tu sens drôle. Je cherche mes mots. Alors, troisième masque, parce qu'il me reste plus grand temps. Ça va être lui que tu vas essayer, Mathieu okay, Plante. Okay. Vraiment, faites-le, ça me ferait vraiment plaisir. Puis reparlez-en. Alors, pour les cheveux masques, abîmés, un masque réparateur à l'œuf. Tout simple, un ou deux jaunes d'œufs avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Simple. Ah, pas très simple. Mode d'emploi. On mélange un à deux jaunes d'œufs. Des œufs, des œufs, vous savez. Des œufs, un œuf, des œufs. C'est ça que je croyais. Alors, on mélange un à deux jaunes d'œufs, selon la longueur de ses cheveux. Alors, toi, Justin, parce que t'en es que t'es un gars, t'as les cheveux courts, avec une cuillère Ben là. Là, on généralise. C'est vrai qu'on généralise. Ben, mettons que c'est pas toi qui pourrais se faire un man bun, hein? Pas tellement, non, avec. besoin non plus. Ouais, non, c'est ça. On n'en veut pas du tout. Avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis on applique sur les cheveux en massant délicatement. On laisse agir le masque 5 à 10 minutes, le temps qu'il imprègne bien nos cheveux en profondeur, puis on lave avec un shampoing doux et on rince abondamment. Ça, c'est pour l'éclat? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est pour l'éclat? Oui, l'éclat okay. Des cheveux. Alors, on en a un au rhum, un guacamole et un des jaunes d'œufs. Face d'œuf, ouais, c'est ça. Et je sais que vous aviez déjà parlé dans une chronique qu'est-ce qui était bon pour les cheveux. Il y avait du Pepsi, est-ce qu'on m'a dit ça? Je douterais pas. La bière aussi, je pense. Il y avait de la bière. Oui, de la bière. C'était toi qui l'avais conseillé, je pense. Oui, c'est moi qui l'ai conseillé. Puis encore une fois, je suis fatigante avec mes produits Lush. Mais chez Lush, il y a un produit qui s'appelle le Cynthia la Belle Brune, qui est un shampoing à la bière. Wow! Oh. Puis vraiment, nos mères, nos grand-mères utilisaient la bière comme shampoing dans le temps. Une bonne IPA, là, ça se prend bien sur le cuir chevelu. J'avoue. Alors voilà, c'était tout pour les précieuses découvertes spéciales Cozy. Oui. On te retrouve dans deux semaines, Alexandrine Pichessé. Oui, ça va être long. Oui, ben ça faisait longtemps quand même quand t'avais pas vu. Oui, j'avais skippé une petite semaine. Ouais, Alexandrine t'es mal. Mais ça se peut. En fait, comme l'entièreté de l'UQTR, je pense. Là. Sûrement, ouais. Ça va être la ventilation, là, on se partage. Il fait terriblement froid dans l'université, on doit l'avouer. Oui, effectivement. Ouais. Alors voilà, merci de m'avoir accueilli. Merci à toi. Bonne semaine. Bonne journée, bonne semaine, à dans deux semaines, les jeudis à 7h30 en début d'émission. Oui. Voilà. Nous, on est à Assemblage Requis toujours, encore et pour l'éternité, j'espère, bien, ensemble. Ouais. On prend une pause et au retour, on continue avec ta chronique. D'accord. Entre autres, et d'autres choses. Entre autres, et d'autres choses. C'est l'affaire. Comme tu le dis si bien. Assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours Assemblage Requis, on est jeudi, 22 octobre 2015, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, en ce temps gris, pluvieux. Gris? Moi, je trouve même pas qu'il fait gris, je trouve qu'il fait noir. Noir, en effet. À cette heure-ci encore, il est 8h, il fait encore super noir. Et c'est déprimant un peu. C'est drôle parce que hier, quand même, à cette heure-là, il faisait soleil. Oui. Tout allait bien, mais là, vraiment, aujourd'hui, ça va pas du tout. Ça nous met dans une drôle d'ambiance. Ben, ça nous endort. Exactement. Mais c'est pas grave, on est là pour vous réveiller quand même. Oui. Dans quelques instants, on va faire... on a plein de choses à faire encore. Étant donné qu'on n'a plus de chroniqueur pour le reste de l'émission, on peut faire ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. Il nous reste des gadgets, il nous reste ta chronique, il nous reste une grosse pointe d'adresse à faire. Eh oui. Mais avant de continuer, prenons une petite pause musicale. Ben oui, qu'on a le temps. Parce que justement, comme tu le dis, on a le temps. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire découvrir des pièces qui ne sont pas nécessairement dans le palmarès? C'est fou que la plupart du temps, on va vous présenter. Mm-hmm. Donc, on a décidé de prendre une des artistes qui est dans le palmarès. Par contre, c'est une de ses chansons sur l'album qui ne se retrouve pas dans le palmarès. Alors, on va écouter Rosie Vallant avec Rebound. Dans l'assemblage requis. Rosie Vallant avec Rebound, une pièce qu'on voit pas au palmarès, c'est fou, mais qui est très bonne. Oui, tout à fait. Ouais. C'est bon. Écoutez, les palmarès, c'est fou pour entendre son autre pièce. C'est les mardis à 15h, les vendredis à 17h, les dimanches à midi. Oui, son autre pièce qui est cette semaine était à la 5e place et c'est la pièce Olympe qu'on aime toujours bien, bien entendre. Mm-hmm. On aime bien, bien aussi dépenser de l'argent, tu sais. Ah oui, ça, mon Dieu. C'est vrai, ça. Il n'y a pas de limite à nos dépenses non. hebdomadaires. Dans ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets achetés sur Internet. On commence avec, pour les gens qui se rasent. Mm-hmm. Les gens qui se rasent, moi, je me rase au clipper. Mm-hmm. Je me rase pas au rasoir parce que je trouve que ça me fait trop mal à la peau. Oh. Hein? Mais ceux qui se rasent avec de la crème à raser, des fois, ils vont se raser dans la douche parce que c'est plus chaud, t'as un effet de vapeur. Ouais. Ça. Ça ouvre les pores. Ça ouvre les pores. Peut-être faire autre chose à la place, avoir un distributeur de crème à raser chauffant. Oh, c'est un rasage de qualité Barbier dans le confort de votre maison avec un distributeur à crème à rasage complètement chauffé. Ça va chauffer votre gel à la bonne température pour vous raser de très très proche, de façon très très douce, et ça ne laisse jamais la peau irritée, disent-ils. C'est le Heated Shaving Cream Dispenser. Ça coûte 17$. Mon Dieu, c'est pas si cher. Pas si pire que ça. Je croyais sur que Amazon. Ça allait être plus dispendieux. Exactement. Contrôle variable de la température aussi pour avoir une bonne consistance de votre gel. Et il y a une lumière pour vous indiquer que c'est prêt à être utilisé. Hmm. Ensuite, c'est un système de... On dirait des lumières de Noël. Ouais. Mais c'est fait pour votre sécurité. Pour éclairer à peu près n'importe quel type d'environnement de façon sécuritaire et facile en utilisant une corde de lumière. Ça fonctionne par USB. C'est 10 à 20 fois plus brillant que les lumières de Noël normales. Et ça peut être monté sur à peu près n'importe quoi qu'on peut trouver. Par exemple, la personne ici sur la photo sur assemblagerequis.com porte ça comme petit peu comme un sac de messager là, pour s'éclairer dans le noir à vélo, donc pour pas se faire frapper, pour 19$. Tu peux avoir ça aussi pour traîner sur la laisse de ton chien. Donc par exemple, tu vas entourer la laisse de ton chien et brancher ça par USB pour la sécurité encore de tous, ou encore accrocher après des arbres. J'avoue qu'en camping, ça là, c'est une très bonne idée. Pour illuminer, bien sûr, votre camping, votre pique-nique, peu importe. Donc, 19$ encore une fois. C'est sur Kickstarter, c'est un projet en ce moment, sur Kickstarter, qui s'appelle Luminoodle, comme une nouille lumineuse. Puis c'est 20$, c'est quand même pas si dispendieux, mais non. Est-ce que ça te dit si tu en reçois plus qu'un? Présentement, on te demande, si tu envoies 19$ ou plus, tu vas avoir le Luminoodle de 5 pieds, avec okay. des attaches noodles, un aimant, et un sac de transport. Ensuite, pour 34$, on va t'envoyer le Luminoodle de 5 pieds, une batterie de 4400 ampères et le reste. Puis après ça, tu peux passer à un Luminoodle XL de 10 pieds pour 35$. Et là, pour en avoir plus qu'un, il faut descendre jusqu'à un emballage de 4 à 76$. Ah, oh, c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça. C'est... À 5 pieds chaque, ça ouais. fait 20 pieds. Ça a du sens. Mais je croyais que tu pourrais en recevoir plus. Ouais, c'est ça. Ça va être livré en décembre 2015. Ensuite... des fois la nuit t'as des cauchemars? Oui. Ben imagine si ton oreiller lui-même te faisait peur. Ah non. C'est pour créer une atmosphère hantée dans votre maison en faisant un petit accent dépeurant, voilà, avec un oreiller avec une face dedans. Finalement, c'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de ton oreiller qui voulait en sortir. Ça fait vraiment peur comme oreiller. On voit l'empreinte de la bouche et du nez. Un petit peu les creux des yeux. C'est un oreiller en polyester coton. D'où, évidemment, au toucher, ça crée l'illusion d'avoir quelqu'un pris dans votre oreiller pour 22,67 américains sur le site Etsy.com. Bien sûr, donc c'est fait à la main. Ce que tu reçois, c'est seulement la taie d'oreiller et non pas l'oreiller en tant que tel. C'est de Screaming Face Pillowcase dans la collection Spooky Decor, 18 par 18, donc il faut un coussin de cette grandeur-là, bien sûr. Mais est-ce qu'en théorie, c'est le coussin qui fait en sorte que le visage ressort c'est ou la c'est tête vraiment d'oreiller. La tête d'oreiller? OK. Exactement. Il y en a plein d'autres aussi. Beware of Zombies, t'as des extraterrestres, t'as Beware of Vampires, of Monsters, des trucs comme ça, donc dans la collection Spooky Décor. Voilà. Ensuite, ça me fait bien rire. Les gens qui portent des casquettes, il y en a plein. Oui. C'est parfaitement d'accord avec ça, c'est bien correct. Sauf qu'il y en a qui veulent ajouter un petit peu une touche de fantaisie à leur casquette. Donc, c'est des patchs avec du velcro qui sont apparemment très populaires en ce moment chez dans la communauté militaire et des trucs comme ça. On appelle ça des morale patches. Il y a aussi des vêtements, des sacs à dos, d'autres trucs comme ça qui sont faits pour l'armée, pour la police, des trucs comme ça, qui ont des bandes de velcro. Tu sais, le côté plus doux du velcro. Mm-hmm. Et on peut acheter des patchs qui sont du côté piquant du velcro pour ajouter quelques petites personnalisations. Hein? Donc, pourquoi ne pas justement se procurer plein de patchs? La compagnie Rockworks a conçu Patch Pals, fabriqué aux États-Unis de velcro de calibre industriel. Les Patch Pals Wraps sont faits pour être fixés sur les petits côtés doux, comme je disais, Pals ou Mole, c'est deux noms de ces trucs-là de velcro, en s'enveloppant autour, à l'extérieur de votre casquette, par exemple. Donc, si on voit ici sur la photo, on a... dans le fond, comment est-ce que je pourrais même décrire ça? C'est un patch de velcro qui est collé à l'arrière de ta casquette. Ouais, c'est ça. D'où? Et puis le côté piquant, bon, par exemple, un drapeau des États-Unis peut être collé à l'arrière et là, tu pourrais le changer pour un drapeau d'autre chose ou... Mais je descendais justement le site internet, puis tu peux aussi le mettre sur des sacs à dos. Oui, c'est ce ça. Ce que je crois qui est quand même plus avantageux que la casquette, là, vu que la casquette, ça doit faire une bosse quand même. Oui, exact. Mais bon, donc voilà, il y a une historique et les fonctionnalités, tout ce qu'on peut faire avec tout ça sur assemblagerequis.com. Mais sachez que ça existe, c'est bien la mode des patchs. À place d'avoir des macarons, tu te rappelles les macarons. Donc on a remplacé les macarons par des collants de velcro. Ça fait avec le drapeau américain, ça fait foutrement redneck. Ben ça fait beaucoup patriotique. Oui, mais moi je m'attendrais à ce que le gars qui a ça ait aussi des truck nuts. Aussi. C'est les testicules de camion, là. C'est bien la mode en ce moment, les testicules de camion. Bref, je m'attends à ça avec ça. Ouais. Ça va ensemble pour moi. Est-ce que tu as déjà fait du cosplay? Qu'est-ce que du cosplay? C'est t'habiller en personnage de dessin animé japonais, par exemple, pour aller à une convention, Comic-Con, par exemple, à Montréal ou à Québec. J'aime. Non. Ben, si tu le fais un jour, peut-être aurais-tu besoin, quoique, je veux dire, j'ai pas vu l'intérieur de tes vêtements pour voir si t'as des seins de grandeur appropriée pour faire ce costume-là. Je sais pas, donc, c'est des cosplay boobs. Giant Anime Cosplay Boobs. OK. Donc, c'est Nameshiro sur Twitter qui fabrique ces grosses prothèses de seins style anime japonais pour utiliser avec les costumes de cosplay. Donc, ça pourrait aller avec un costume de French maid, une femme de ménage française, comme le fantasme de bien des hommes, ouais. Exactement. Je pense, en tout cas, que la plupart des gens ont ce fantasme-là. Ou même pour costume d'Halloween. Ou même pour costume d'Halloween, parce que là, comme on a déjà dit dans une chronique précédente, tout est sexy dans les costumes pour filles. Donc, t'as secrétaire sexy, réceptionniste sexy, présidente directrice d'entreprise sexy, t'as tout. Ouais. Donc, pourquoi... je pense que là, tout deviendrait sexy avec des... C'est sûr que... Giant anime cosplay boobs. Donc, Nameshiro estime que les faux seins sont environ des E ou des G pour les bonnets. Ce qui est assez pour mettre, pour évidemment peut-être même se reposer dans un train ou un avion en s'accotant dessus, hein, quand même. Donc voilà, allez voir les photos de ces prothèses-là sur assemblagerequis.com et procurez-vous-en peut-être via cet homme sur Twitter. Encore une fois, il s'appelle Nameshiro, Nameshiru, le lien sur le site. Tout le monde le sait, si vous me connaissez un petit peu, dans ma vraie vie, je suis fanatique des produits Sharpie. Oui. Tu savais ça, Sharpie? Sauf qu'ici, je pourrais m'en procurer un et ça aurait l'air de fitter dans mon coffre à crayons, mais ce serait une arme. Hein? C'est des faux Sharpie Tactical Marker. C'est fait pour poignarder quelqu'un. Ben là, hein? c'est donc bien agressif. Ben oui, c'est une campagne sur Indiegogo, le Point Tactical Marker. Donc au premier regard, première vue, ça ressemble à un Sharpie bien normal, mais en regardant vraiment plus près, ben probablement que tu t'es fait percer l'œil par le Sharpie parce que c'est ce que c'est supposé faire. Le Point vient en deux styles. T'as le Snub Nose Concealed Version, donc ça ressemble à un Sharpie même avec le capuchon enlevé. Et l'autre qui, vraiment, une fois le capuchon enlevé, ressemble vraiment à, à une pointe qu'on peut utiliser pour poignarder quelqu'un. Évidemment, ce qu'on voulait dire par la version que même le capuchon enlevé ressemble à un crayon, c'est parce que le bout est pareil comme le côté pointu, mais c'est noir et t'as l'impression qu'il y a une petite mine au bout. T'sais. C'est juste... C'est comment dire? C'est camouflé. Voilà. Un peu. Donc, pratique, tactique, cachable. Donc, un appareil d'autodéfense et de survie. C'est donc un pic de stainless steel en acier inoxydable. Donc, à l'intérieur d'un crayon qui ressemble à un Sharpie. Ça peut être utilisé pour briser une vitre, par exemple. Ça peut être utilisé comme outil en promenade, en randonnée dans les bois, etc. Comme ça, c'est pas fait exprès pour tuer quelqu'un. C'est pas ce que ça non, veut dire. Ouais, mais pour casser une vitre en tant que telle, ça pourrait être utile. Donc, c'est ça. C'est des fake... Sharpie Tactical Marker, Point Tactical Marker. Ça s'appelle pas Sharpie non plus sur le crayon, c'est marqué non. Pointy. Pointy, parce qu'ils n'ont pas la marque de commerce. Ouais. Mais c'est ça, c'est Point, P-O-I-N-T-E, Tactical Markers. Ensuite de ça, tiens, c'est pour vous entraîner à faire quelque chose. Mettons, t'as besoin d'un coach, je sais pas, de karaté, de plomberie ou n'importe quoi. T'as besoin de te faire dire quoi faire. C'est un appareil qui va sur votre épaule et qui va vous permettre de vous faire coacher à distance. Donc, t'as une tâche manuelle à accomplir, je sais pas, reconstruire un moteur. Il y a plusieurs façons de le faire. Tu pourrais te le faire enseigner en personne, suivre un cours, ça pourrait être super long. Tu pourrais le faire faire par quelqu'un d'autre. C'est compliqué, mais Grasp, c'est des instructions à distance. Donc, ça se perche sur votre épaule comme un perroquet, OK? Et ça va envoyer vos activités que vous faites filmer à un instructeur. Donc, il y a une caméra dessus. C'est comme un genre de petit cube, un petit prisme avec, avec un cylindre par-dessus. Et il y a une caméra. Donc, ça envoie tes activités à l'instructeur qui peut être n'importe où dans le monde. Ça a un micro aussi et un pointeur laser. Tout ça avec un ordinateur, avec une carte Arduino Uno à l'intérieur. Donc, c'est créé par Copenhagen, par un homme, designer de Copenhagen, Akash Sanghi. Le concept derrière Grasp fournit donc un mentor en temps réel pour apprendre. Et le mentor peut communiquer avec la personne via l'appareil et l'instruire en utilisant le pointeur laser, qui donc peut être utilisé à distance pour pointer quelque chose que tu es en train de faire. Un compagnon, donc, en direct sur votre épaule. Une idée quand même assez intéressante, je pense. Mm-hmm. On peut suivre les activités de Akash sur son site web via assemblagerequis.com, bien sûr. Ensuite, tu veux traîner ta bière, ton alcool fort, ouais, d'un party à un autre, et peut-être que tu t'en vas même en promenade en forêt. Peut-être que tu as amené ton fake Sharpie Tactical Marker. Ouais, c'est ça, peut-être. Mais tu veux boire avec tes amis dans le bois et tu veux pas avoir à traîner une grosse caisse de canettes, mettons. Mm-hmm. Ou n'importe quoi d'autre que tu veux pas avoir à traîner dans un gros sac. C'est un sac en bandoulière qui ressemble simplement à un long cylindre. Et on peut mettre, par exemple, ces bières à l'intérieur et c'est un cooler en même temps, donc ça les tient au froid. J'ai déjà vu ça aux États-Unis, si je crois bien. C'est cool, hein? Donc, c'est ça, c'est fait pour un six-pack. C'est le Mountain Smith Cooler Tube, une façon facile de transporter 6 bières. Dans ce qui ressemble, moi, je ne savais pas parce que j'ai jamais vu ça, mais un truc pour traîner un matelas de yoga. Apparemment, oui, que rouler dans un tube comme ça, c'est la mode des tapis de yoga. Avec un truc ajustable pour la bandoulière. C'est isolé par de la mousse à l'intérieur et ça garde le contenu bien, bien froid. Et c'est du Seam Sealed PEVA Lining. Donc, un alignage, un truc en P... C'est comment qu'on appelle ça? En PEVA? En PEVA? Ouais, je pense que oui. Pour empêcher la sueur et la condensation de l'intérieur sur votre dos à cause de la bière. Très bonne idée. Ça se voit beaucoup aux courses. Aux courses? Mm-hmm. The Hall! The Hall! Aux courses, The Hall! Course the Hall! Pour les parents, maintenant, on passe dans un domaine différent, quoique les parents, sinon, il y en a aussi. Mais c'est Cradle and Swing qui permet aux parents de prendre soin de leur enfant, mais de très loin. Des parents paresseux, il y en a partout. Ouais. Donc, Fisher-Price vient de sortir une petite... Comment on appelle ça? Une chaise berçante, mettons, pour bébé, hein, si on veut, qui balance, ouais, c'est ça, votre enfant, à distance. Donc, c'est le 4-in-1 Smart Connect Cradle and Swing. Si t'entends ton bébé pleurer, à la place de devoir te lever comme un adulte responsable, tu vas simplement sortir ton téléphone intelligent, ou que peut-être même pas le sortir parce que t'étais déjà dessus en train de regarder du Netflix. Et tu vas les faire balancer de loin. Donc, soit la technologie Smart Swing offre 6 modes, 6 vitesses de balançage différentes entre faible et élevé pour pouvoir trouver le rythme parfait pour votre enfant, pour le rendormir, que ce soit de côté à l'autre comme une bassinette ou encore de la tête aux pieds comme une balançoire. 16 chansons, 3 sons de nature et un petit mobile de luxe, disent-ils, avec des petits oiseaux éclairés. Et il y en a même un qui a une bedaine avec un miroir dessus. Incroyable, ça va garder votre enfant diverti pendant des heures. Hein? J'ai dit wow! Wow! Donc, c'est un achat à 200$. C'est quand même efficace, là. Autant qu'à être paresseux. OK, mettons, t'es en train de faire à manger, mm-hmm, t'as les mains pleines, t'es en train de faire la vaisselle, peu importe, ton enfant est dans la petite balançoire. C'est plus facile de t'essuyer un doigt puis juste partir sur sa balançoire que d'avoir à te laver les mains, tasser tes affaires puis remettre ça, t'sais. Pour des situations comme celle-là, moi, j'approuve en tant que tel. Ouais. Si c'est parce que tu veux rester dans ton divin foiré, je te respecte pareil, mais... Peut-être que ton 200$ va être un bon investissement pour toi. Je sais pas. Ça dépend des gens, ça. Je veux pas juger personne. Ensuite, après l'avoir fait, ça. Portez votre écouteur Bluetooth. Tiens, une autre tranche de gens que je juge par moment. Je suis un gars de même. Les Bluetooth? Rempli de préjugés, c'est les gens qui gardent leur oreillette Bluetooth en tout temps. Ah! Oh. Non, pas ceux qui utilisent une oreillette Bluetooth. C'est pas ça que j'allais dire. Tu pensais que j'allais juger ces gens-là? Non, mais je suis d'accord avec toi. Okay. Tu sais, exemple, t'es dans le centre d'achat. Mettons exemple. Puis t'as gardé ton Bluetooth. Mettons. Puis là, t'as quelqu'un qui s'en vient, t'as l'impression qu'il te parle. Ouais. Est-ce que tu vois pas son Bluetooth? Moi, ça... Ouais, non, je suis d'accord. Bon, ça. On juge ces gens-là ensemble. On a quelque chose en commun. Yabadabadou. Ouais. Donc, maintenant, tu vas pouvoir mettre ton oreiller de Bluetooth sur ta hanche avec le Blue Bed Holster. Hein? Le Blue Bed Holster, c'est un holder, donc un petit. Comme on mettrait son téléphone cellulaire des années 90 ou bien son fusil, peu importe. C'est fait pour recevoir donc votre oreillette Bluetooth quand vous ne la portez pas, parce que personne ne vous la porte toute la journée. Avec Blue Bed, vous allez pouvoir porter votre écouteur sur votre ceinture ou l'attacher à votre sac pour que ce soit toujours prêt à être sorti comme plus vite que son ombre, claque après l'oreille. J'ai vraiment l'impression que c'est le style qu'on veut lui donner. C'est ça, exactement. C'est le style fusil. Évidemment, si t'as ton chandail ou ta chemise par-dessus, on le verra même pas. Et quand t'as besoin de faire un appel, c'est facile à sortir. Clac sur ton oreille. Donc, compatible avec la plupart des oreillettes Bluetooth, on peut aller voir la page Headset Fit pour savoir si votre écouteur va entrer dans ce truc-là. Le Holster vient en trois couleurs différentes, peut être personnalisé avec différents bed covers qui vont être disponibles bientôt pour faire un look encore plus. Et chaque Blue Bed Holster coûte 19,95$ sur bluebed.com, BLUBED.com. C'est pas une mauvaise idée, c'est sûr que ça reste un peu cheesy d'avoir son Bluetooth en tout temps sur sa tête, mais si c'est pas trop visible. Tu sais, si t'es une fille, mets-le dans ta sacoche, là. Ouais, mais le holster pourrait aller dans ta sacoche parce que tu peux mettre après ton sac aussi. Ouais, mais. T'sais. Ouais, mais dans ta sacoche, tu vas le perdre, tu seras pas aussi rapide que ton ombre pour le décrocher, tu comprends? Non, mais en théorie, là, si t'es au centre d'achat. Sans ton sel, bâtard. Hein? Exactement. C'est ça que ça veut dire. Tu peux parler sur ton sel, mais il y en a qui ont chaud à l'oreille facilement. Ouais. En tout cas. Est-ce que t'as déjà joué à des jeux de rôle? Quand j'étais petite. Bon, ben voilà, tu vas peut-être comprendre l'intérêt de celui-là, c'est de donner à vos jeux de rôle une odeur d'aventure. Oh! Ah non, si vous êtes fan de jeux de rôle, ce produit-là pourrait être pour vous. En fait, c'est Adventure Sense. C'est 40 types de senteurs, d'odeurs, de parfums à base d'huile, dans le fond. C'est ensuite vendu dans des petits pots, des sachets ou encore dans des sacs avec fermeture éclair, là. Et en fait, je pense qu'en voulant éviter le mot Ziploc, je crois que j'ai utilisé le mot fermeture éclair et je crois que fermeture éclair est aussi une marque de commerce. Ah ouais? Je me rappelle avoir lu ça, il me semble, quelque part, mais c'est comme on n'est pas dans cet effet, j'ai pas la source devant moi. Mais il me semble que. Mais là, ça serait quoi? Oui. Je me rappelle pas. J'ai envie d'aller chercher. Tu sais comment on aime aller chercher des informations live pendant l'émission? C'est ce que je vais faire. La fermeture éclair. Marque de commerce ou fermeture à glissière ou fermeture à crémaillère est un dispositif mécanique permettant l'ouverture et la fermeture rapide d'un vêtement ou d'un sac. Le nom fermeture éclair est une marque déposée de la société Éclair Prestil SN. Ah ben. Ce terme doit donc s'écrire avec une majuscule initiale. Hein? Je savais pas. J'avais lu ça quelque part puis j'ai répété correctement, ce qui est très rare quand je répète des histoires. Soyez fiers de moi, s'il vous plaît. Donc, fermeture à glissière, hein? Il y a plein de senteurs, de parfums. Donc, vous jouiez à un jeu basé sur un livre, un film, une série télé, un jeu vidéo. Les chances sont bonnes que vous allez avoir l'odeur pour aller avec. Par exemple, Japanese Tea House, une maison de thé japonaise. Roman Bath House, donc un genre de sauna romain. Laboratoire de science, etc. Donc, il y en a plein de senteurs comme ça. Steam Train, train à vapeur. Pour vraiment créer dans un jeu de rôle ou dans un train, peut-être avoir l'odeur d'un train à vapeur, ça pourrait être vraiment. Mais est-ce que ce sont des choses que tu fais chauffer ou tu fais juste te mettre le nez dedans? C'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. C'est vendu en canne, en sachet ou en sac à fermeture à glissière. Comment est-ce que tu. Moi, je pense que c'est des billes, on dirait des petites billes à senteur, ouais, mais c'est pas super clair, j'avoue. Il y a des petites descriptions sur chaque canne. Par exemple, bon, tous à bord, prenez un moment pour profiter du train et de ses odeurs. De charbon, etc. Mais ça dit pas comment le faire. Il y a un dessin d'un nez sur un des pots. Ouais, donc j'imagine qu'on fait juste se sacrer le nez dedans. Sûrement. Ou en ouvrant le pot, probablement que l'odeur va quand même être propagée vu que ça donne assez fort. Mais c'est quoi? C'est que tu le laisses sur le coin de la table pendant que tu joues ton rôle? Je pense que oui. Ça coûte entre 5 et 25 $ sur AdventureSense.com. On va aller voir un petit peu pour en savoir plus sur les produits. Learn about our products. C'est fait à la main pour commencer, quand même bien. On va aller voir dans les petits pots qu'est-ce que ça donne. C'est fait pour ajouter de l'immersion dans un jeu de rôle, blablabla. Contient environ un quart d'once d'orbe, des petites billes. Et puis, pour utiliser pendant le jeu, on ouvre le contenant et on lance une bille d'odeur. C'est ça à chaque joueur, et l'odeur va immédiatement commencer à les entourer sans avoir à prendre la place de toute la pièce. Donc, la petite bille lancée vers toi, j'imagine en tombant, ça va faire sortir un petit peu d'odeur devant toi. OK. Et quand t'es prêt à changer de place, t'as juste à prendre les billes, les receler dans le pot. L'odeur va rapidement se dissiper, vous permettant d'utiliser une série d'odeurs dans la même aventure. Wow! Mm. Ça valait la peine d'aller chercher des informations pour ça. Intelligent. Ça valait la peine. Mais il faut vraiment que tu joues. Oui, souvent, avec beaucoup de monde et que peut-être vous cotisez entre 5 et 25 $ par pot s'il y a plusieurs pots par jeu. Mm-hmm. Ça pourrait être cher. Ensuite, on va à l'Université de la Colombie-Britannique, University of British Columbia, qui est devenu le premier endroit à avoir un système de partage de parapluies. Tania, tu m'as dit tantôt en arrivant, pourquoi t'as pas de parapluie? Ben oui, t'es arrivé tout mouillé. Exactement, donc je pourrais utiliser la compagnie qui s'appelle Umbra City. On voit une petite photo qui montre les cofondateurs Amir Intezari et Babak Assad avec un de leurs kiosques à libre service. Les deux ont eu l'idée parce qu'ils en avaient assez des pluies sporadiques mais fréquentes de Vancouver. Donc pour utiliser le service, on s'inscrit par courriel avec une adresse avec une carte de crédit, pardon. Une fois rendu au kiosque, on s'inscrit avec la carte de crédit et l'adresse courriel. Ensuite, on peut passer une carte de crédit déjà enregistrée pour emprunter un parapluie. Et à la UBC, les étudiants peuvent aussi lier ça à leur carte d'école. On peut emprunter un parapluie pour une journée ou encore deux jours. Si tu ne ramènes pas le parapluie dans cette case horaire de deux jours, mettons, tu vas recevoir un frais de 2$ américains par jour jusqu'à 10 jours. Et comme les partages, évidemment, là, après 10 jours, tu as payé le parapluie, donc il t'appartient, j'imagine. Comme les systèmes de partage de vélo, on peut ramener le parapluie à n'importe quel kiosque, peu importe, sur le campus de la UBC ou encore ailleurs. Umbra City sur umbracity.com. Vraiment, l'idée, je la trouve absolument parfaite. Sur le campus, s'il y avait vraiment. Ça, j'utiliserais fréquemment. C'est sûr, sûr, sûr, sûr. C'est très intelligent. Sûr. J'en aurais pris un aujourd'hui. C'est sûr que ils vont arriver au point où ils vont vendre leur idée. Oui, clairement. C'est trop du génie pour pas. Je veux dire, la pluie, c'est quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai jamais acheté de parapluie parce qu'il y a comme pas tant de journées où j'en ai besoin dans l'année. Il y a peut-être quoi des jours de pluie vraiment intenses qui valent la peine d'un parapluie. Il n'y en a pas même plus que genre 10-15 ans. C'est vrai. Dans l'année, à mon avis. Peut-être l'été plus, mais comme je travaille moins l'été, je m'en suis moins rendu compte. Mais le reste de l'année, mettons, scolaire, il n'y en a pas même des jours. Moi, j'adhère à cette idée-là. C'est très intelligent. Oui, on s'inscrit tous. Ensuite, des tissus, des vêtements de tissus pour habiller vos Legos facilement. Pour ceux qui jouent au Lego souvent, c'est un accessoire, une boutique d'accessoires coréenne, Lease Design, qui fait entre autres des études pour iPhone. Maintenant, ils lancent une ligne de vêtements pour les figurines Lego. Lego Mini Clothes, c'est fait d'un tissu lavable. Une variété de designs est disponible. C'est pas aussi détaillé que les vêtements, que d'autres vêtements qu'on pourrait avoir pour des figurines, par exemple des Barbie, entre autres. Mais quand même, c'est vraiment un morceau de tissu avec dessiné en couleur le vêtement. Alors que les vêtements pour Barbie, entre autres, ce serait vraiment, t'aurais différentes sortes de tissus, différents, tu sais, par-dessus, collés. Tu sais, l'idée de jouer à la Barbie, c'est ça en premier, là. C'est ça, les habiller et les déshabiller. Donc, les accessoires en tissu existaient déjà, par exemple des capes, mais Lease Design, il va avec une niche encore plus précise. C'est des vêtements plus ou moins génériques, nous dit-on, donc étudiants, médecins, pompiers, il y en a plusieurs autres de super-héros qui ressemblent à des super-héros, mais évidemment sans la marque de commerce, ça, des super-héros. T'as des manteaux à imprimer de guépard, léopard, peu importe, des styles Harry Potter, je te dirais, presque. C'est celui-là qu'on voit d'ailleurs sur la publicité. Exact, des vêtements de camouflage, un peu d'armée. Donc, il y en a plein de sortes comme ça pour habiller vos Legos. Ensuite, bon, l'Halloween est passé. J'avais prévu parler de ça avant l'Halloween. Mais non, l'Halloween n'est pas passé. C'est les élections qui sont passées. L'Halloween est passé. Réveille-toi. Une petite tape dans le joue. L'Halloween n'est pas passé. Tiens, tu voulais trouver une idée de costume, en fait. C'est ça? Je pense que tu vas aller dans un magasin de tissus, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, ben j'ai mon idée. OK. Je cherche à avoir des tissus. Bon, voilà. Ben pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, c'est des masques d'emoji. Donc, les emojis, comme évidemment sur vos médias sociaux et autres. Des masques d'Halloween en emoji, par exemple, le poop face. Oh, le petit caca. Le petit caca. Ou la face qui sourit avec les yeux en demi-lune. Ou encore le petit regard flirt, là, tu sais, avec les yeux, là, comme. Ouais. C'est lui qu'on connaît tous. Donc, l'Halloween qui s'en vient, vous pouvez vous procurer ça avec le shipping rapide pour 5$ par emoji ou encore un ensemble de 5 pour 15$. Là, on s'entend que t'en as deux gratuits si tu prends ça à 5 pour 15$. T'en payes juste 3, là. C'est pas cher, hein? Non. C'est pas cher. C'est très drôle. Toutes sortes d'émojis. C'est vraiment cute. Je pense que ça pourrait être populaire, ça. Je pense que ça va être populaire. Je pense en fait. Que oui, moi. Ensuite, tiens, on parle tout le temps de selfie sticks. Celui-là, c'est un selfie sticks pour une mariée. Hein? Pour se promener jusqu'à l'hôtel. C'est ça l'hôtel quand on va à l'église pour se marier, c'est ça? Oui. L'hôtel. Donc, le bridal selfie stick du designer de mode Reem Acra. En fait, c'est la designer Reem Acra, c'est une femme. Donc, pour son 2016 Fall Bridal Show. Hein? Donc, c'est dans le fond un selfie stick qui a été bejewelé. Donc, on a mis des bijoux du jewel, du bling bling dessus. Un petit accent floral ajouté en dessous aussi. Donc, c'est pour le spectacle, pour son défilé de mode pour les futurs mariés. Donc, on montrait des robes de mariage et le selfie stick était supposé avoir l'air bridal. Donc, ce serait quoi l'adjectif pour quelque chose qui va pour un mariage? C'est, mon Dieu, c'est mariable? C'est, ben... Tu sais, il n'y a pas de mot pour ça en français. Potentiel de mariage. C'est ça, bridal, c'est tellement un beau mot. C'est vrai. Mais il n'y en a pas en français. Je pense pas, en tout cas, si vous en avez un... Pourquoi il y a des écouteurs sur la tête? Ouais, c'est... Ouais, pourquoi? Est-ce que... Et les écouteurs sont bling-bling aussi, Jewel. Ouais, non, j'adhère pas aux écouteurs. Non. Mais j'adhère bien... Ben, je suis pas certaine, en fait. Non, pas moi non plus, vraiment pas. J'adhère pas non plus aux et, selfie stick. Sois contente que j'ai pas parlé du selfie stick qui est supposé s'insérer dans l'entrejeu féminin. Quoi? Ouais, t'as pas vu ça. Non, et ça ne me tente pas. Non. Ensuite, c'est une table de billard parfaite pour ceux qui sont amateurs de bang des Simpsons. Les bangs roses avec des petits sprinkles dessus de Homer Simpson. Mm-hmm. Donc, c'est une table de billard avec ça. C'est fait par le designer Cléon Daniel. Donc, on peut jouer là-dessus, évidemment, en ayant faim tout le long. Hein? Une table de billard faite à la main avec quelques nouveaux défis parce que c'est une table ronde, évidemment, en forme de bang, c'est clairement rond. Le trou dans le milieu est assez gros pour se mettre debout dedans. Donc, on se tourne sur 360 degrés pour choisir l'angle pour pouvoir frapper les balles dans les poches, les boules de billard dans les trous. Mm-hmm. Voilà. Une boule dans un trou, une balle dans une poche, les deux sont pas mal aussi déplacés. Bref, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Et c'est tout. Pas pire idée. Pas pire idée? On termine là-dessus? Génial. Est-ce que tu jouerais? Est-ce que tu essaierais de jouer oh, oui. au billard avec ça? Je suis super mauvais au billard, par contre. Mais c'est difficile, parce que ben, sur le prototype qu'on vient de voir, il n'y avait pas de numéro sur les balles. C'est sur ça. Les boules. Sur les boules. Comment est-ce que tu peux savoir? Ah, ça doit être divisé par les rouges puis les jaunes. Ah, j'avais pas pensé à ça, probablement à la place d'être les ouais. plaines et les... Ça doit être ça. Je connais tellement pas les termes, là. Tellement pas. Bref. Voilà pour ça, ça ne devrait pas. Là, les liens sont sur assemblagerequis.com. On prend une petite pause. Au retour, on a une grosse pointe en dresse. Et Tania is gonna entertain you. Merci. FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce jeudi 22 octobre 2015. Dans quelques instants, une grosse pointe en dresse, mais pour l'instant, voici Cave Boy et Something Like Summer, une chanson qu'on vous joue avec toute l'ironie du monde. Au 89 FM, c'est fou! We'll be right back. Notre chanson ironique du jour, Something Like Summer, par Cave Boy. C'est très bon, ça. Oui, mais tellement pas comme l'été. Non. Vraiment pas. Vraiment pas ce matin. Pas du tout. Mais que voulez-vous, hein? Votre matin commence comme le nôtre, on est dans le même bateau et on est là pour s'encourager les uns les autres, hein? Sauf que probablement que vous avez déjà du café de but, puis pas nous encore. Nous, mais peut-être... Alors, on espère sérieusement en avoir dans pas long. Peut-être qu'on va boire, mais je te garantis pas que ça va être du café, en tout cas. Mais bon, okay. C'est une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse, c'est la chronique du tiroir, les produits du tiroir. On goûte à des produits qu'on achète à l'épicerie, au dépanneur, au magasin du coin, dans un magasin général, dans un marché aux puces, peu importe. Mm-hmm. Si c'est mangeable, buvable, sucré, salé, gras ou pas gras, peu importe. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on ne regarde pas les calories. Ouais. C'est important de ne pas regarder les calories. Une fois par semaine. Ouais. Mais là, maintenant, j'ai vu les blogs culinaires utilisent le slogan de « on regarde pas les calories », j'ai envie d'utiliser un autre slogan. Ouais, c'est vrai. C'est un petit peu là, j'ai l'impression de les copier, même si on faisait ça avant les blogs, nous autres. Ça fait longtemps qu'on fait cette chronique-là. Et voilà. Vraiment longtemps avant que la mode parte, je pense. Mais bon, donc aujourd'hui, Tania. Oui. On goûte. Évidemment, je suis allé te faire chercher. Alors, je suis pas allé te faire chercher. Non. Je t'ai demandé d'aller chercher. Oui. Des verres. Oui. Et tu nous as amené des tasses, fait qu'au moins, t'as suivi l'instruction qu'il fallait que ça se boive. Ouais, c'est ça. Mettons. Parce qu'aujourd'hui, on va goûter à quelque chose qui a l'air très très bon. C'est une nouvelle sorte de jus. OK. Par Sunripe. Qui s'appelle Frujo. Je ne connais pas Sunripe. Non, ils font des jus depuis longtemps, par contre, des jus plus normaux, mettons. OK. Dans ce cas-ci, par contre, c'est marqué que c'est fraise banane, pour commencer, une saveur que j'adore. C'est marqué sans... c'est du colorant artificiel. OK. Sans sucre ajouté, sans arôme ni colorant artificiel. C'est un mélange de jus et de purée de fruits et d'eau de coco, fait de concentré avec arôme naturel, acide citrique, colorant naturel et vitamine C. Donc, ça ressemble un peu à un smoothie, j'ai l'impression. Oui. Avec une purée de fruits. C'est marqué de servir froid. Moi, je l'ai amené froid de mon réfrigérateur pendant toute la... au moins 48 heures, sinon plus. Mm-hmm. Et ici, il fait encore froid dans le studio. Je le sens, il est vraiment froid encore. Oui, il fait froid. Là. Ouais. Donc, réfrigéré une fois ouvert. Évidemment, moi, il était sur une tablette. Là. Il est shelf stable. Il est fait pour être sur une tablette jusqu'à temps que tu le refroidisses. Mais on dirait vraiment un carton de lait, en de fait. De lait, tout à fait. Même que le devant, tu vas le voir quand tu vas le prendre dans ta main. Mais le côté, il y a un des quatre côtés qui est un petit peu... aplati. Coupé, aplati, ouais. C'est ça. Donc, ça donne une forme assez spéciale. Ça dit consommer de préférence dans les 7 à 10 jours après l'ouverture. On va faire ça aujourd'hui, je pense. Une sédimentation naturelle va se produire. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais du settling. Ça veut dire que il va avoir un fond, un lit, si on veut, au fond de la bouteille. Fait qu'il faut bien brasser. Faut bien brasser tout le temps. C'est sûr qu'il va y avoir un petit fond. Et si on veut que ça goûte la vraie saveur, faut le brasser avant. Je peux même le brasser pendant que j'en parle parce qu'il n'est pas ouverte encore la bouteille, bien sûr. À moins que quelqu'un l'ait ouvert au magasin, là. Il ne devrait pas. Je prends jamais le premier sur le bord pour cette raison-là. Ouais. Faut pas que ça soit préouvert. Frujo, fraise banane ne contiennent que 50 calories par portion. Comme on a dit tantôt, sans édulcorant artificiel, ni arôme, ni colorant artificiel, ni sucre ajouté. 100% de la vitamine C recommandée par jour. Ben, j'imagine que c'est marqué 100% de la vitamine C. J'ai complété la phrase avec mes petites connaissances, mais j'imagine que 100% de la vitamine C. 100% de la vitamine C d'une orange, 100% de la vitamine C disponible dans la planète Terre, je sais pas. Puis en plus, il y a de l'eau de coco, comme tu dis. Oui. Donc, ça devrait être bon pour la santé, là, en théorie. Ça devrait. C'est un rafraîchissement délicieux pour toute la famille que vous aurez plaisir à boire, disent-ils. Il y a beaucoup de texte à date. Hein. Oui, vraiment. Et c'est marqué en tout petit, et ça me surprend que ce soit écrit en si petit que ça. Le vois-tu de là? Non. Sans gluten. Il me semble que tu l'écris plus gros que ça. Oui. Sans gluten. Il est écrit vraiment petit et sur le côté qu'on regarde pas avec les informations dessus. Donc, c'est ça, on regarde pas les calories, mais on peut quand même voir qu'il n'y a pas grand pourcentage de grand chose, sauf 100% de vitamine C. Le reste, c'est des 2% de sodium, 7% de potassium, 4% de glucides, 4% de fibres, 2% de calcium, 2% de fer. Le reste, les gras, les vitamines A et les saturés sont à 0%. Dis-nous donc les calories, là, juste pour le fun. Par 250 ml, c'est 50 calories. Ah, oh, c'est pas si pire. Ça a des calories naturelles des fruits, j'imagine, non? Ouais. Je connais pas ça. Donc voilà, je te donne ça par transmission à travers le corridor où les gaffes sont impossibles. Et tu vas pouvoir l'ouvrir dans le micro. Et après ça, je vais t'envoyer ma tasse, puis tu viendras me la porter à pied. Okay? Parce qu'on veut vraiment être sécuritaire ici. Premier. Donc un micro magique qui va être prêt à ouvrir ce jus Sunripe Frujo. Oh, ça sent bon! Ouh. Et là, ça l'a désnappé d'un coup sec, parce que d'habitude, les bouteilles de lait, par exemple, tu vas enlever le bouchon, Et après ça, il va y avoir un petit truc à enlever comme une canne de conserve. Là, c'était le bouchon qui était l'hermétique, dans le fond. Je peux te dire que ça n'a pas la consistance d'un smoothie, mais pas du tout. OK, OK. Ça a vraiment la consistance d'un jus, parce que je le vois. Ah, tu le vois dans le gros trou, mais on s'entend qu'il y a un gros trou, hein? Oui, oui, oui, il y a un immense trou. C'est écartillé pas mal, il y a un gros trou, là. Mais ça sent très bon. OK, ça sent quoi, les fraises, les bananes? Ça sent le mélange fraise-banane habituel qu'on connaît. Moi, dans la vie, mettons, là, moi, Mathieu Plante, c'est un de mes saveurs préférés, fraise-banane. Mais là, j'ai hâte de voir avec l'eau de coco ce que ça goûte, en fait. Pourquoi c'est bleu, l'intérieur du bouchon? C'est bizarre. Je sais vraiment pas. C'est beau, en tout cas. Mais c'est... Mais d'après moi, c'est pour le côté hermétique de la chose. Peut-être, mais il y a vraiment comme un petit contour bleu dans le bouchon que j'ai jamais vu avant. Mais moi non plus, j'ai jamais vu ça. Attention. Oh, yeah. Ah, c'est vrai que ça a plus la consistance d'un jus, vraiment, que d'un smoothie. Ouais. Est-ce que tu pourrais me prêter ta tasse? Mais avec plaisir. Oh oui, on verse dans le micro magique. Oh, c'est cute. Merci Tania, désolé pour les silences, mais on doit se transférer des affaires. C'est dans les tunnels magiques. C'est ça, c'est un tunnel. J'imagine le cylindre magique dans lequel nos mains s'insèrent, puis il y a comme un gant, genre pour être sûr de vraiment pas de produits chimiques. C'est ça. Donc oui, l'odeur est intense, hein? Très intense. Mais j'ai comme, tu sais, oui, ça a l'odeur fraise-banane. Mais plus la fraise l'emporte un petit peu, non? Mais c'est l'odeur fraise-banane artificielle, encore une fois, qui m'énerve. Mais pourtant, ce n'est pas... c'est que c'est vraiment fait avec les fruits, non? Regarde un petit peu les ingrédients. Je crois que c'est des purées de fruits, de chacun de ces fruits-là. Il n'y a pas de aucun artificiel là-dedans. Eau de coco fait de concentré. Jus de fruits fait de concentré. Purée de pommes. Je vais peut-être mourir. Ah non, pour vrai? C'est pas grave. Mais comment est-ce qu'ils peuvent mettre des pommes dans le jus de fraise banane? J'aurais jamais pensé à ça. Purée de banane, agrumes, arômes naturels, acide citrique, colorant naturel... Puis vitamine C. C'est quand même bien. C'est quand même bien. OK. Mais désolé pour les pommes, j'espère que ça va pas. Mais non, il n'y a aucun problème. Quoi, j'ai mon épipène. Moi qui fais tant attention. OK, on y va. OK, on y va. Ça réveille un matin, par exemple? Oui, hein. C'est un petit peu... Acide? Acide, mais en même temps, j'allais dire, le goût est fade. Ça goûte vraiment pas ce que ça sent. Ça goûte fade et ça goûte presque le... Tu sais, les produits qui sont sucrés à l'aspartame un peu, je sais qu'il n'y a pas ça dedans, mais j'ai comme une impression de pas une vraie saveur. On dirait une version diète de quelque chose, non? Ouais. Mais c'est peut-être l'eau de coco qui fait ça. Je pense que oui, mais j'aime pas tant ça. Même que j'aime pas ça, je pense. Ouais, à deuxième gorgée, en tout cas. Écoute, j'en ai vraiment pas mis beaucoup dans ma tasse. Il me reste... une gorgée et demie à peu près. T'as de la misère à le finir. Puis j'ai de la misère à la terminer. Fait qu'un gros paquet comme ça de 900 millilitres qui dit que ça doit être bu dans les 7 à 10 jours après l'ouverture, je suis pas certaine que j'y arriverai. Moi non plus, honnêtement, c'est vraiment pas convaincant. Ça goûte vraiment le fade. Ça goûte comme s'il y avait eu beaucoup trop d'eau dedans. Ça goûte pas assez les fruits, à mon avis. Au magasin... Mais ça goûte très sucré aussi. Aussi, c'est ça, c'est bizarre, c'est difficile à décrire. Il y a d'autres saveurs que fraise banane aussi. Tornade tropicale. OK. Je crois que dans les fruits de jour, c'est pas mal les seuls qu'il y a. Le reste, c'est des Sunripe 100% jus. Qui doivent goûter plus le... S'il n'y a pas d'autres cocos ou rien dedans, ça doit vraiment plus goûter les fruits, les autres Sunripe juice. Donc je leur ferais peut-être plus confiance. Mais dans cette collection-là, d'après moi, ce sera pas un énorme succès, ça. D'après moi, non. Je vais t'avouer. Ouais. Que ça pogne d'un côté de joue. Oui, c'est pour ça qu'on a parlé d'acidité au début. Ouais. Ça pogne un peu dans les joues. Mais moi, j'aime la sensation de me faire pogner des joues. Ouais, ça réveille, mais j'ai un doute. J'ai un grand doute. Non, moi, j'ai aucun doute. Moi, je mets mon pouce par en bas. Ouais. Malheureusement. J'aurais aimé aimer ça. C'est pas mal plus par en bas que par en haut. Moi qui aime tant fraise banane, tu sais, chez McDonald's, il y avait les smoothies, fraise banane, puis un autre au bleuet. Même pas la fraise puis la banane. Là, non. Mais c'est ça, chez McDo, c'est qu'ils ont enlevé toutes les saveurs sauf fraise banane, c'est la seule qui était populaire, tu sais. Puis moi, je suis parmi les contents, t'sais. Donc, moi, tout ce qui est fraise banane, j'en achète. Puis ça, j'en achèterai pas jamais. Non. On l'aime pas. Sachez-le finalement. Qu'on aime pas ça. Sunripe Fruit Joe, 50 calories, c'est marqué en dessous. Fraise banane. Ouais, ça fait partie du nom, j'imagine, c'est écrit dans... J'ai vraiment l'impression de m'être fait frapper par quelque chose un matin dans le visage, là, après avoir bu ça. Ben, si c'est au moins l'avantage de t'avoir réveillé... Ah, ça réveille, là, après la pluie. J'ai exactement mis l'équivalent de peut-être comme 4 onces et demi dans ma tête. Deux capuchons. Deux capuchons, puis honnêtement, je suis réveillée, là. Ouais. De façon exceptionnelle. Fait que si tu divises la bouteille en 7 à 10 portions, tu pourrais te réveiller d'une gorgée par jour. C'est ça. Peut-être. Bon, donc, 2 pouces en bas. Est-ce que tu mets ton pouce au milieu ou en bas? En bas, parfait. On va passer aux nouvelles de fast-food. Ça te va? Commençons par quelque chose qui n'est pas confirmé encore, mais des Oreos, à savoir des cupcakes. Remplis. Remplis comme dans Filled Cupcake. S'en viennent apparemment Nabisco, qui n'arrête pas de faire des saveurs spéciales d'Oreo aux États-Unis. On les voit pas encore arriver, mais en tout cas, moi, j'en ai pas vu, à part gâteau d'anniversaire. Il y en a pas ben des saveurs originales d'Oreo qui s'en viennent au Québec. Mais celui-là, apparemment, que c'est Chocolate and Cream Filling. Donc, la thématique est de faire un biscuit au chocolat, avec à l'intérieur une crème de chocolat, et au milieu de la crème de chocolat, il y a une crème à la vanille. Donc, tu peux twister et licher, bien sûr, l'intérieur et avoir tes deux saveurs de, dans le fond, de cupcake, parce que l'intérieur de cupcake est souvent rempli de crème à la vanille. Ou de crème pâtissière. Comment on appelle ça, la crème à l'intérieur de la crème blanche? Oui, c'est de la crème blanche, mais le nom exact, je peux pas vraiment dire. Ouais, vous savez, c'est pas de la crème au beurre. Peut-être. Donc, c'est chez Nabisco, bien sûr. Ensuite, il y a des céréales Cheerios qui ont été rappelées parce qu'elles n'étaient pas sans gluten et elles étaient supposées l'être. C'est arrivé quelques semaines après leur campagne publicitaire à la télé qui annonçait des Cheerios sans gluten. C'est malaisant. Ouais, un petit peu. Donc, General Mills qui avait fait toute une campagne promotionnelle sur ces céréales sans gluten. Ils ont été obligés de rappeler des milliers de boîtes de céréales qui contenaient du blé. Le recall a commencé il y a quelques... c'est au début du mois d'octobre. Je crois pas, je ne sais pas en fait si on t'a fait au Québec, d'après moi pas, parce que je pense que la version sans gluten existe. Est-ce qu'elle existe au Québec? Je sais pas. J'avance des choses sans avoir vérifié. Mais donc, c'est des recalls, donc des rappels volontaires, sur une base volontaire, de Cheerios et Cheerios miel et noix, fabriqués en Californie pendant 2 semaines au mois de juillet. Donc, ça affecte pas grand monde, mais quand même, je voulais juste en parler parce que je trouvais ça ironique un peu de faire une grosse campagne publicitaire, puis finalement, il y a du bleu dans tes céréales. C'est un peu. Ouais. C'est ça, ça leur fait une drôle d'image. Ensuite, la bâtisse est la plus affreuse de Rotterdam, transformée en le McDonald's le plus cool au monde par des architectes de main. Donc, une bâtisse qui a déjà été votée comme étant la bâtisse la plus affreuse de Rotterdam en Hollande a été transformée en un McDonald's. Il y a l'arrière-goût du jus qui est vraiment présent. Ouais, je sais. Je l'ai dans la bouche depuis le début, j'essaie de me l'enlever en me faisant de la salive, mais l'arrière-goût non, reste. Non, il reste, puis comme il est. Pas plaisant non. du tout. Non. Le pouce reste en bas puis pas mal intense. Donc, la bâtisse votée la plus laide de Rotterdam à Hollande a été transformée en un McDonald's qui ressemble un petit peu à un Apple Store. La structure c'est d'origine, vrai? Ouais, date des années 1960, horriblement datée, avec une façade de vitre sur 2 étages qui est donc considérée comme étant affreuse. Et ça dit, la phrase est drôlement construite, j'essaie de la traduire ici. Donc, « An undistinguished two-story glass facade », donc une façade de vitre sur 2 étages, « that sort of vomited onto the cool single », donc qui a l'air d'avoir vomi sur le cool single, une rue du centre-ville, « from the graying bricks of an old post office behind it ». Donc, qui a l'air d'avoir été vomi par les briques en arrière de bureau de poste. Donc, les briques auraient vomi une bâtisse à deux étages en vitre. C'est la phrase que je trouvais bizarre dans l'article, mais bon. C'est vraiment bizarre comme terme. C'est quand même... d'utilisation. Ça se traduit, mais ça se traduit mal. Donc, une photo vintage de la bâtisse... sur l'article sur assemblagerequis.com. Moi, je trouve, à l'époque, c'était quand même beau. Oui. 2 étages en vide, c'est quand même chic. Ouais, je sais pas pourquoi ça a été classé de l'immeuble le plus laid, là, parce que c'était quand même très beau architecturellement parlant. Je trouve aussi. Mais c'est qu'on n'a pas le pendant, mettons. T'sais, t'as le avant, ça avait l'air de ça des années 60. T'as pas le pendant, genre en 2015, c'était rendu décrépit, puis tout peut-être, ça. Et là, t'as juste l'après du McDonald's. Donc, ils ont vraiment refait, ils ont gardé l'esprit. Donc, on a quand même les 2 étages avec le palier, le plancher du 2e étage, le plafond du 1er, au milieu. Et les vitres sont encore là, mais on a comme ajouté, la structure est plus haute, donc ça cache les briques du bureau de poste en arrière. Et il y a un gros M en plein milieu de chaque côté. Pareil comme sur un Apple Store, t'aurais une grosse pomme. Et à l'intérieur, le plancher est très, très luisant, pâle, blanc. Et t'as l'air d'avoir vraiment comme un Apple Store. Mais version McDonald's, c'est quand même bien fait, je trouve. Oui, c'est bien fait. Et comme dit l'article, comparer quelque chose à Apple Store de nos jours, c'est comme comparer l'architecture au Parthénon ou au Colisée, au gros Colisée. C'était où déjà le Colosseum? C'est pas à Rome. À Rome. Bref, c'est un compliment, je pense, de je comparer pense que ça. Oui. C'est fait par les May Architects, donc une compagnie d'architectes, Marlos Koster, entre autres. Je crois. Donc, transparence et ouverture. Et on vous montre un petit avant-après en genre de gif animé à la fin de l'article pour voir un peu de quoi ça avait l'air plus récemment, la bâtisse. Donc, quand même assez impressionnant. Allez voir les photos. Ensuite, on reste chez McDonald's. avec la... Non, en fait, on va pas rester chez McDonald's, on va aller chez Pepsi, tiens. Qui n'est pas du tout concerné, n'est pas du tout dérangé par la réaction initiale envers leur nouveau diète Pepsi. Ouais. Tu te rappelles qu'on a parlé que les diètes Pepsi étaient sans aspartame dorénavant? Parce que l'aspartame, c'est dégueu au HK, hein? Ouais. Donc, ils ont fait une version de diète Pepsi sans aspartame. Mm-hmm. Est-ce que ça dit dans l'article? On va le lire un petit peu. Donc, ils ont utilisé de l'aspartame pendant des décennies comme édulcorant pour leur Pepsi diète. Ils ont décidé de passer au Splenda, voilà. Oui. Plus récemment, donc c'était au mois d'août. Parce que nous, ici, on a de l'aspartame et de l'acésulfame potassium. Je trouve que l'acésulfame est encore pire comme goût. C'est le pire arrière-goût que je peux avoir dans la vie. J'achète jamais de liqueur. J'en achète un peu, puis je le regrette instantanément. Parce que j'essaie d'être santé, mais... Je bois pas de liqueur, moi, dans non, la vie. Non, je te comprends, alors, tu devrais pas. Tu sais, que tu me décrives une diète Pepsi, je peux même pas te dire ce que ça goûte, parce que pour moi, genre, premièrement, ils goûtent toutes la même affaire. OK, hey boy. C'est ça, faut vraiment pas connaître la différence entre la diète puis le vrai pour pas... C'est ça. Oh, ben ça goûte tellement mauvais. Puis, sinon, je suis pas capable de boire du 7-Up. Tu sais, il y en a qui vont boire la liqueur blanche. Oui. Ma grand-mère, elle appelait ça de la liqueur blanche. La mienne aussi, puis de la liqueur brune. Oui, exactement. Pour le coke, qui est le 7-Up. Puis, moi, le 7-Up, je buvais ça juste quand j'étais malade. Alors, si je bois ça, j'ai l'impression d'être malade. Ben oui, ben je comprends, c'est sûr. T'associes ça à ça, puis ça a ben du sens. Ouais. Mais bref, pour ceux qui boivent un petit peu de diète, vous savez qu'il y a un arrière-goût puissant. Il y en a qui adorent le diète Pepsi, il y en a qui ne boivent que ça. OK, je vous respecte là-dedans, mais je trouve ça dégueulasse. Donc, les ventes de liqueurs sont sur leur déclin, ça descend beaucoup. Et Pepsi a donc sorti une nouvelle formule, faible en calories, et puis les ventes ont descendu de 6,5% par rapport à l'année passée. Hein? C'est quand même triste. Ah, ça, c'était avant que Pepsi sorte sa formule, sa nouvelle formule, je m'excuse. Donc, le Wall Street Journal dit que ça n'a pas renversé ça avec l'introduction de son nouveau soda qui était au Splenda. Même si l'emballage marque maintenant sans aspartame, et ils espéraient que ça allait faire vendre plus. Donc, sur les réseaux sociaux, le nouveau diète Pepsi, la réception n'est pas super positive. Les mentions négatives du sucralose sont plus nombreuses que les mentions positives 6 contre 1. 6 fois plus de négatifs que de positifs. Pepsi dit qu'il y a toujours des commentaires négatifs quand on change le produit après autant de temps. Et les gens qui ont des commentaires négatifs ont plus tendance à aller se plaindre que les gens qui sont positifs, qui vont aller dire « Hey, c'est bon, votre nouvelle formule. » Donc, c'est normal. Et je suis d'accord avec eux. Tout à fait d'accord avec eux. C'est pas parce que t'as un commentaire négatif et que t'as un commentaire positif et 6 négatifs que ça veut dire que 6 fois plus de négatifs que de positifs. C'est d'une façon complètement impossible de penser. C'est faux. Complètement faux. C'est prouvé, là. Donc, la compagnie dit avoir reçu 3000 plaintes par rapport à la nouvelle formule, comparé à 317 compliments. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que les 9000 mauvais commentaires qu'on pensait avoir chez Pepsi. Donc, on s'excuse pas, on dit juste, vous allez vous habituer. Et c'est en effet le cas, la plupart du temps, encore une fois, c'est prouvé par des décennies et des décennies de marketing. Mais les gens, quand il y aura une autre nouvelle formule dans 10-20 ans, les gens vont se plaindre qu'ils voulaient la formule qui vient de sortir au mois d'août. Là. Ouais. Ramener notre ancienne formule qui est celle c'est qui est sûr. Là. Soit. C'est sûr, les gens s'habituent après quelques temps. Ensuite, on en parlait un petit peu la semaine passée. En bref, revenons-y. La plus vendue des saveurs de chips Ruffles du Canada, maintenant aux États-Unis. Donc, les Ruffles All Dress sont maintenant disponibles pour un temps limité aux États-Unis. La saveur des croustilles décrite par une personne sur Amazon. Évidemment, on rappelle qu'aux États-Unis, ils n'ont jamais vécu la saveur All Dress, OK? Ouais, c'est ça. Pour eux, c'est barbecue, je pense. Oui. C'est la seule qui existe. C'est ça. Mais je pense qu'on en parlait avec d'autres animateurs à l'extérieur des ondes. Je pense pas qu'on en ait parlé à la radio. Ben, tant mieux, Colin. Moi, autant le temps est un flou devant moi, autant le contenu en ondes et en ondes se mélange. Parce qu'on discute des mêmes affaires qu'en ondes. Tu vois pourquoi on fait cette émission-là avec ces chroniques-là? C'est parce que c'est de ça qu'on parle dans la vraie vie. Ça. On fait l'émission qu'on aimerait faire. Bref, donc aux États-Unis, une personne sur Amazon décrit la saveur All Dressed comme étant un mélange de barbecue, crème sur oignon, crème sur seulement, et cheddar avec un petit peu de sel et vinaigre, tout ça mis ensemble. OK, on va recommencer. Barbecue. Ça, c'est la description qu'on donne du All Dressed. Barbecue, crème sur, cheddar, sel et vinaigre. J'aurais jamais mis ça ensemble. Mais j'ai envie de me faire un party mix de toutes les sortes de Ruffles dorénavant. Hein. Donc, la marque elle-même décrit la saveur comme étant difficile à décrire, mais contraire à tout ce que vous avez déjà mangé dans votre vie. Mais c'est beaucoup plus sucré qu'une barbecue. Oui, sucré, non. Hein? Non. Sucré. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui, non. Je trouve pas que c'est plus sucré que barbecue. Ça dépend si tu prends des barbecues, comment qu'elle appelle ça, recettes. T'as barbecue classique, puis t'as barbecue à l'ancienne, genre. Ouais. Barbecue à l'ancienne, oui, c'est sucré. André, je trouve ça plus piquant un peu. C'est comme un genre de... Ouah, c'est vraiment dur à décrire. Comment est-ce que tu manges tes Ruffles, toi? Dans ma bouche. Non, mais les Ruffles, on se souvient, c'est ceux qui sont ondulés. Oui. Est-ce que tu me demandes si j'ai suce? Est-ce que tu les manges rangé par rangé? Ah non, j'ai jamais fait ça, c'est pour drôle. Vrai? Pour vrai? C'est ma mère qui m'a appris ça. Est-ce que tu les déchires, tu les casses en rangées dans tes mains ou tu le fais avec tes dents? Non, avec mes dents. OK. Est-ce que tu les suces un peu, tes rangées? Oui. Ah, tu fais comme des juliennes. Ouais. Tu fais des juliennes, c'est cute. Donc, les Ruffles All Dressed, la saveur la plus vendue au Canada, probablement, je ne savais pas que c'était la saveur la plus vendue. Moi non plus. Mais je le comprends parce que c'est probablement ma saveur préférée après crème sur oignon. Donc, la meilleure saveur la plus vendue au Canada, alors qu'aux États-Unis, la saveur la plus vendue n'existe même pas ici, j'ai jamais vu. C'est cheddar et crème sur. Non, ça existe. J'ai jamais vu ça ici. J'espère que, parce que là, le sac de Ruffles All Dressed a une grosse feuille du Canada derrière, le fédéral, sur le sac. Je me demande si un jour on va avoir la saveur la plus vendue des États-Unis au Canada avec un drapeau américain dessus. Ça serait bien, ça serait parfait. Vraiment. Bref, voilà pour ça. Continuons avec. On en parlait hier, je crois, à l'émission. On a parlé de ça dans Ça existe. On avait parlé d'une compagnie qui vendait des sacs de guimauve à la Lucky Charms sur Internet. Vous pouvez aller retrouver les notes de l'émission numéro 879 pour le lien. Mais là, aujourd'hui, dans l'émission 880, on parle de Lucky Charms, littéralement la compagnie derrière Lucky Charms. Je crois que c'est General Mills. Je pense que oui. Oui, qui sort des boîtes qui s'appellent Lucky Charms Marshmallows. C'est donc les gens chez General Mills qui sortent ça. Selon le blog de General Mills, la compagnie va sortir une édition limitée après avoir reçu des centaines. En fait, ils disent impossible de compter le nombre d'appels, de courriels, de tweets et de posts sur Facebook de la part de fans qui demandaient des céréales sans les céréales, donc seulement les guimauves, pour vraiment les mélanger avec d'autres sortes de céréales. Eux espèrent avec d'autres sortes de céréales General Mills, évidemment. On pourrait prendre même peut-être des Alphabits. Ça, c'est pas Post qui fait les Alphabits? En tout cas, peu importe la marque, mais des Alphabits avec beaucoup de guimauve. Ce serait bon, ça. Parce qu'on s'entend que des Alphabits tout seul, c'est peut-être en maudit. Mais on s'entend que des Alphabits, puis les céréales, Lucky Charms, en théorie, ça se ressemble pas mal. Ben, c'est pour ça que je dis ça exactement, parce que tu veux pas acheter une boîte. Ben, tu pourrais acheter une boîte de Lucky Charms et rajouter des guimauves. Ben oui. Tu peux aussi faire ça, j'avoue. J'avoue, un bon point. Donc, une boîte remplie complètement de ces guimauve classique. Et comme hier, je disais la même chose, j'ai mal aux dents, rien qu'à y penser. Ça. Par contre, il y a une grosse attrape, parce que peut-être vous avez entendu cette nouvelle-là et vous avez fait « je vais en acheter, c'est sûr », mais c'est que vous n'avez pas vu l'article au complet. Et moi, je l'ai vu l'article. Et moi, il me déprime l'article. Okay? Parce que seulement 10 boîtes de ces Marshmallow Only Lucky Charms qui vont être disponibles au public. Puis je tiens à dire que Kylie Jenner en a déjà reçu une, donc il en reste juste 9. Hey, ça va y aller directement dans les fesses, moi! Ils ont des grosses fesses, les Kardashian. Donc, comment mettre les mains sur cette licorne du monde des céréales? Ben, ça peut seulement être gagné par les réseaux sociaux. C'est pour ça que Kylie Jenner l'a eu. Hein, t'sais, hashtag Bégasse. Donc, la compagnie derrière ces céréales demande aux fans de poster un selfie. Encore la spécialité de Madame Bégasse. Donc, avec une boîte, on leur demande de tenir une boîte imaginaire de Lucky Charms avec le hashtag Lucky10Sweepstakes sur Twitter et Instagram. Et à partir de là, 10 gagnants vont être choisis. Pour les règles complètes, il faut regarder une petite vidéo d'un rappeur, Biz Markie, qui rappe sur la chanson Just a Friend, peu importe. Et c'est ça la marque, comme tu l'as dit à la fin de l'article, on mentionne que Kylie Jenner, Blake Shelton, Jesse Pitts, ont reçu des boîtes personnalisées alors que Khloé Kardashian a révélé qu'elle garde une pile de ces céréales-là dans une garde-manger. C'est la première fois que ces noms-là sont mentionnés à Assemblage Requis, je crois. Et ce sera probablement la dernière. Ensuite, une simple recette qui combine, ça va être probablement le dernier, hein, une simple recette qui combine deux saveurs d'automne favorites en un biscuit, pas un biscuit, en un déjeuner saisonnal et automnal. On se comprend. Donc, c'est des poires, à la cannelle, à la brioche à la cannelle. OK. Qui va devenir votre collation préférée de l'automne. On a besoin de 4 poires, d'un contenant de cinnamon rolls Pillsbury et d'une cuillerée à thé de cannelle et de sucre. OK? Donc, pour commencer, on va couper les poires en deux sur le sens vertical. C'est tellement cochon. Oui. On va vider la poire. Ouais. Ensuite, on va placer la pâte roulée dans les poires. OK. On va mettre ça au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que les rouleaux, les brioches soient dorés et que la poire soit elle-même belle et juteuse. Après avoir fait refroidir ça pendant quelques minutes, on va rajouter un petit peu de glaçage de la brioche à la cannelle. Ça venait avec dans le truc de Pillsbury. Et on va ensuite ajouter un petit peu de poudre de cannelle et de sucre sur le dessus. Simple, vraiment, vraiment, vraiment évident à faire, facile à mort. Et ça vous fait votre nouvelle collation automnale préférée. Pas pire, hein? Cochon, hein? Ça finit bien, ça. Ça finit bien, ouais. Les autres nouvelles sont super intéressantes, mon les gars, pour la prochaine fois. La prochaine, j'ai hâte de la faire. Elle est vraiment bonne. Bref, voilà pour une grosse pointe All Dress. On se fait ça les jeudis à 8h30 d'habitude à Assemblage Requis. Soyez-y chaque semaine, s'il vous plaît. Hein? On prend une pause. Et au retour, c'est Tania is gonna entertain ya. Déjà? Oh oui, ainsi qu'un avant-goût de Génie en liberté. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki, on est jeudi 22 octobre 2015, j'ai Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. Oui, il nous reste environ peut-être une vingtaine de minutes à l'émission. Oui. Juste assez de temps pour se faire divertir par Madame Tania Baudin. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Salut Tania, Tania, Tania. Bon matin. Salut, hey hey, Tania Baudin. Il parle de sujets diversifiés, jamais dans la même thématique de jour en jour. C'est comme le temps qui change. Ouais, mais j'aime souvent ça, faire des liens. Et d'ailleurs, cette semaine, bien, je vous avais présenté trois femmes très inspirantes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Ouais. Et là, j'ai pensé, je pourrais faire les trois hommes inspirants de ce monde. Par contre, en disant ça, je me dis, bah, ça tombe vraiment dans la même lignée. C'est juste que c'est le sexe opposé. C'est pour ça une autre fois. Ouais, ben oui, c'est ça. Alors, pourquoi pas parler du pouvoir de l'argent? Ah! Et de parler des gens les plus riches à travers du monde. OK, c'est une bonne idée, ça. Ben oui, pourquoi pas. Ben oui. Alors, évidemment, le premier que je vais vous présenter, tout le monde le connaît. Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut passer à côté. Donald Trump. Non. Non. William Henry Gates III, communément appelé Bill Gates. Billy Gates qui est non seulement l'homme le plus riche des États-Unis, mais l'homme le plus riche au monde. Oh. Sa fortune s'élève quand même à plus de 79 milliards américains, ce qui donne 103 milliards canadiens. Le taux de change lui va à merveille. Ouais, tu sais, mettons, lui, pas trop de troubles dans lui. Hein. Non, pas tant. Mais comment est-ce qu'il est arrivé là? Bien, en 75, il avait seulement 20 ans, et avec un de ses amis, Paul Allen, ils ont créé ensemble la société de logiciels Microsoft qu'on connaît aujourd'hui. Par la suite, ils ont décidé de concevoir le système d'exploitation Windows. Ils sont encore tous les deux en situation de quasi-monopole mondial. Oui. Mmh. On s'entend-tu? Ils ont travaillé fort pour avoir leur monopole. Mais, tu sais, c'est des génies, là. Ouais. Si à 20 ans, t'es capable de faire ça, tu sais, il y a du monde ici là, qui te dit ça. Puis peut-être, je veux pas briser vos rêves, monsieur, mais peut-être qu'ils arriveront même pas à faire genre le un quart de ce qu'ils ont fait. Le un quart, c'est déjà énorme. Ouais, c'est ça. S'ils réussissent à se rendre au quart, on s'entend, là. Il y a pas grand chose que tu peux pas faire quand t'es l'homme le plus riche au monde. Ouais. Hein? Alors évidemment, depuis 2007, il consacre beaucoup de son temps à sa fondation humanitaire. C'est ça qui est le fun, parce que c'est une maudite bonne personne. Il aide les gens. Puis c'est quelque chose que je voulais surtout apporter, c'est que la plupart des gens qui ont beaucoup d'argent vont redonner. Alors oui, Bill Gates est un de ceux-là. Comme je le disais, depuis 2007, il consacre beaucoup plus de son temps à sa fondation que à ses sociétés qui sont... qui vont très bien, c'est en fait, ça, ouais. qui coulent dans la rivière. Je pense qu'il est encore conseiller ou quelque chose comme ça au conseil d'administration de Microsoft. Mais tu sais, c'est plus lui qui en est le président, puis tout ça. Pis sinon, c'est pas seulement parce que c'est déductible d'impôts qui est comme ça. Soyez pas cynique de même. Exactement. Oui, c'est sûr que c'est déductible d'impôts, mais tu sais, la plupart des gens, ils veulent aider pareil. Exact, donc, exact. Bien, la fondation, en fait, se nomme Fondation Bill et Melinda Gates, mm-hmm. qui est sa femme, bien évidemment. Et le but de cette fondation-là, c'est d'apporter à la population mondiale des innovations en matière de santé et de connaissances, donc d'acquisition de connaissances. En éducation, on voit beaucoup d'aide aux bibliothèques, donc ils vont mettre en place des infrastructures d'accès à Internet, donc évidemment, j'imagine qu'ils donnent des ordinateurs, qu'ils donnent des logiciels de recherche aux bibliothèques et aux écoles. Et du côté de la santé, eh bien, ils vont aider au programme de développement de médicaments pour les pays pauvres du tiers-monde. Donc, tu sais, oui, c'est le gars le plus riche au monde, mais il faut lui lever quand même notre chapeau et le saluer pour ce qu'il fait avec sa fondation. Vraiment. Tu sais, c'est gentil. Oui. Évidemment. Une bonne personne. C'est ça, c'est une bonne personne. C'est pas parce qu'il a créé Windows qu'il faut l'haïr. Hein. Non. Tu sais, je suis quand même restée surprise. Là. Moi, je savais pas qu'il avait créé ça à l'âge de 20 ans. Donc, Bill Gates est pas nécessairement super vieux. Hein. Non, c'est ça. Donc, il a pas fini, là. T'sais, il fait même commencer. Pas... Il est à la c'est retraite, puis il commence. Il fait juste commencer en œuvre caritative. Ça. Donc, j'imagine que c'est quelque chose. C'est quelqu'un qui pourrait peut-être nous surprendre par des projets encore futurs, ouais. Parce qu'il en a encore le temps. Est-ce que on a prédit un petit prix Nobel de la paix, quelque chose? Ouh, je sais pas, ça ne disait pas. Parce qu'à un moment donné, ça pourrait être mérité, c'est un petit prix Nobel? Ça pourrait. Ouais. Mais quels sont les qualificatifs pour recevoir un prix Nobel? Faudrait voir. La deuxième personne dont je vous parle, eh bien, c'est David Thompson. Est-ce que c'est le nom te dit quelque chose? Comment, excuse? David Thompson. Non. Eh bien, c'est l'homme le plus riche au Canada. Ah, pour vrai? Oui. Sa fortune s'élève à peu près 24 milliards canadiens. Donc, canadien, j'allais dire un tiers de Bill Gates, mais là, non, c'est américain mais pour lui. Ouais, c'est donc un cinquième, probablement, de Bill Gates en dollars canadiens, parce que tu as dit 125 000. J'ai dit 103 000. 103 000. Le quart. À peu près. De Bill Gates. Ouais. Donc, qu'est-ce le quart de Bill Gates, on veut pas trop imaginer ça, mais... Ouais, non. 53 ans, non. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir l'homme le plus riche du Canada? Parce que là, on se pose toute la question. Je vis au Canada, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais. Eh bien, en fait, c'est pas très, très compliqué. Il y a eu un père avant lui. Ah, ben voilà. Donc, en 2006, il a hérité de la compagnie de son père, qui est Kenneth Thompson. Et la compagnie, en tant que telle, eh bien, elle s'appelle Thompson Reuters, qui est une agence de presse spécialisée en information financière. Donc, c'est eux qui vont contrôler beaucoup, beaucoup de ce qui se passe côté financière pour plusieurs médias différents. J'aurais espéré que ce soit dans la liqueur brune, on aurait pu dire les Kenneth. Les Kenneth. Les Kenneth, you know? Eh bien, non, malheureusement. Mais quand même, David Thompson a quand même forgé sa renommée, mettons, disons-le comme ça, a travaillé d'abord dans de nombreuses compagnies qui étaient évidemment contrôlées par sa famille. T'as toujours une belle porte d'entrée quand ton père... a déjà fait le chemin pour toi. Mais bon, il a d'abord été gérant d'un magasin Labbé en banlieue de Toronto. Okay. Tu sais, il a commencé à la base, hein? Mm-hmm. Puis il a été président de la chaîne des magasins Zellers. OK. C'est quand même pas pire. Oui. Il a également fondé la firme immobilière Husmington, qui est indépendante de l'Empire Thompson. Mm-hmm. Donc, il y a une autre compagnie. La firme fait aujourd'hui partie du conglomérat qui détient les Jets de Winnipeg, l'équipe d'hockey de la LNH. Ouais. Tu sais, ça va quand même bien. ça, pas trop dans le trouble. Pas trop. Mais, tu sais, on voit ça souvent, hein, quelqu'un qui va devenir le plus riche de parce qu'il va avoir hérité de son père, mais il faut quand même prendre le temps de voir qu'est-ce que cette personne-là a fait. A choisi de faire avec son argent. C'est ça. Mais lui, par contre, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé s'il y avait de fondation ou quoi que ce soit. Ben, si t'as pas trouvé sa fondation, parce qu'il n'en a pas. Hein? Peut-être, mais... Ben, sinon, ils sont d'habitude, ils cachent pas tellement leur fondation. C'est ça. Parce qu'ils portent leur nom. Ouais, non, c'est ça. Puis, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des signes de piastres dedans. Des petits nouveaux. C'est ça. Un petit peu plus près de nous, l'homme le plus riche du Québec. L'homme le plus riche du Québec, je suis même pas capable de jouer à tes devinettes. Pas vrai? Je sais même pas, l'homme le plus riche au Québec. Lino Saputo? Oh, tu dis la réponse avant même que je puisse demander de l'assistance. Mais je sais, je voulais pas que tu me demandes d'assistance, voyons. En tout cas. J'ai bien vu que tu t'en allais demander. Je peux pas phone a friend ou demander au public. Sur la rue. C'est ça? Oui, comme dans Taxi payant. Eh bien non. Eh bien, l'homme le plus riche du Québec, c'est Lino Saputo. Évidemment, c'est un Italien qui a déménagé ici... à Montréal, il y a vraiment très longtemps avec sa famille. Sa fortune s'élève aux alentours de 4 milliards canadiens. Donc, on voit qu'au Canada, puis au Québec, il y a quand même une grande différence. Ouais. Mais c'est quand combien? Même 4 milliards. C'est rien, ça. C'est rien, c'est... sauf qu'à vous, ben, que t'aimerais ça l'avoir. C'est un cinquième de M. Johnson, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a créé la compagnie de produits laitiers qu'on connaît aujourd'hui, qui porte le même nom, Saputo, qui est en 1954. Malgré son âge aujourd'hui, il a 78 ans, il continue d'assurer la présidence du conseil d'administration de la compagnie. Okay. Après que son fils est quand même très, très impliqué. C'est lui qui a les plus grandes responsabilités maintenant dans la compagnie. Donc, on voit qu'il reste au-dessus et... on reste au pouvoir, je veux pas dire ça, mais on continue à être impliqué dans notre propre compagnie quand c'est nous qui l'avons créée. Ouais. Quand tu dis qu'il reste au-dessus, est-ce que je peux faire un gag facile et plate? Ouais. Une chance qu'il n'a pas dépensé son argent sur des prostituées, genre, sur sa pute, ou... C'est dessus, puis ça... C'est plutôt... Terrible, Mathieu. C'est plutôt drôle, hein? Non, terrible. Celle-là est terrible. C'est ça, c'était... Ouais. Ouais. Je la regrette. En 1979, il a décidé de mettre sur pied une fondation, déjà en partant. La fondation, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle encourage en premier lieu les causes venant aux enfants malades et handicapés. Donc, on vient en aide à ces jeunes enfants-là. Par contre, en 1997, la forme administrative de la fondation a quelque peu changé. Il y a eu quelques changements au sein financier et aussi administratif, donc il y a eu quelques changements de ce côté-là. Et son action communautaire, bien, elle s'est plutôt élargie pour englober des causes qui viennent en aide aux femmes battues et aux personnes âgées. Hmm. Donc c'est bien quand tant même. Mieux, ben oui. On continue, eux aussi, à donner à leur fondation et à faire avancer les choses dans notre monde. Oui. Peux-tu dire ça comme ben ça? Ben oui. Je te le permets. Dans notre monde du Québec, disons-le comme oui, ça. Oui, c'est ça. Et puis, bien, je voulais terminer aussi, parce que là, j'ai parlé juste des hommes. Un petit peu plus tôt cette semaine, j'avais parlé des femmes les plus influentes. Par contre, j'avais pas parlé du côté monétaire c'est de la ça. Chose. Est-ce que Lise Wattier va être encore dans la liste? Bien, je fais pas un décompte des femmes les plus riches. Je fais seulement vous présenter la femme la plus riche du monde. Julie Snyder. Eh bien non, qui est Christy Walton. OK. Mais qui est-elle? Et à combien s'élève sa fortune? Ouais. C'est surtout la question à qu'on veut à combien de Bill Gates est-elle? Et pas si... Non, elle est à la moitié. À peu quand près. Même! Sa fortune s'élève quand même à plus de 53 milliards canadiens, en considérant le fait que Bill Gates est à 103 milliards. Donc, on est vraiment comme à la moitié. Ouais. C'est qui, elle? Elle a fait quoi? Eh bien, elle a hérité des chaînes Walmart. Bon, tu vois, ça, c'est pas tellement de mérite, ça. Hein? Non. Mais pas grave, au moins, tu sais. Et ça allait se parer. Oui, ben oui. Mais tu sais. Tu vas à Vegas, tu mets un kit ou double là-dessus, puis là, t'as soudainement un Bill Gates. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que si je vais à Las Vegas puis je joue aux machines un sou, je vais me ramasser à la fortune de Bill Gates. Faut-tu tuer avec des jetons? Genre, faudrait que t'échanges contre des jetons, puis là, t'aurais comme... Non, c'est des scènes. Des scènes? Des scènes noires? Oui. Hein? Quoi? Tu peux jouer, ouais. Des scènes noires? Tu peux jouer avec des dollars, ouais. OK, ah. Ouais. Je pensais des jetons. Mais c'est si tu mises un sou. OK. Mais tu sais, ça prend un minimum. Ouais. Qui est la plupart du temps 1$. Ah. Ou 5$. Tu connais ça? Ben, j'ai été à Vegas. C'est ça, tu connais ça, Vegas. En tout cas, j'imagine que ces gens-là sont pas... jouent pas vraiment beaucoup avec leur argent. Non, sur ma valeur. Ils doivent avoir beaucoup d'actions. Ils doivent prendre beaucoup de risques aussi de ce côté-là. Mm. Mais côté financier, j'imagine pas que ces personnes-là décident de se payer un trip au casino de Charlevoix juste... Ben, peut-être. Peut-être, mais tu viens pas riche en étant maladroit avec ton argent, tu sais. Faut que tu sois un petit peu conservateur, je pense, il me semble. Ben oui. Ouais. Puis, tu sais, je me souviens plus qui disait, c'est en disant que t'es pauvre que tu deviens riche. C'est ça. Tu sais, sur ces paroles sages. Sur ces paroles sages, bien, j'ai décidé d'aller en fonction de ce qu'on venait de parler et de trouver une chanson en lien avec l'argent, bien évidemment. Ouais. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup, puis nous, on en a pas. Fait que, on va écouter... C'est clair dit comme ça. C'est très clair dit comme ça. Alors, on va écouter Sear Sly avec la pièce Gold. On écoute ça, Assemblage Rocky, dans Tanya is gonna entertain ya. Ah, c'est vrai, il y avait un silence au début. J'ai oublié de partir. Mouth is made of metal, pocket full of yellow, pocket full of gold, and I hope you find your dream. Yeah. Straight through me, finding that you're hiding. chasing, all my time is wasted. Mouth is made of metal, metal, metal. Pocket full of yellow, yellow. Pocket full of gold, and I hope you'll find, I hope you'll find your dream. And darling, never settle, settle, settle. Chasing down the devil, devil. Chasing down the gods, and I hope you'll find, I hope you'll find your dream. C'était Gold de Sir Sly, une chanson qui parle d'argent, mais aussi de poursuivre ses rêves. Et je crois que ces hommes-là que je vous ai présentés, aussi cette femme-là dont je viens de parler, eh bien, c'est des gens qui ont réussi à poursuivre leurs rêves pour avoir une belle fortune comme ça. Tout à fait. Tantôt, on a posé la question si Bill Gates était éligible à gagner un prix Nobel, tellement qu'il met d'argent dans sa fondation Bill and Melinda Gates. Ses efforts de philanthropie peuvent-ils nominer un jour pour un prix Nobel? Ce n'est pas impossible, nous dit-on, sur le site Quora.com. Il y a un précédent pour ça, le prix de la paix qui est allé au moins une fois et au moins à ex-aequo avec une philanthrope, Jane Addams, en 1931. Par contre, la plupart des gagnants récemment ont été des politiciens qui ont signé des accords de paix ou encore des activistes politiques honorés pour leur promotion d'une cause. C'est la fondation Gates réussit à un but majeur, par exemple, se débarrasser de la malaria. Les chances là seraient plus élevées. Ce serait aussi possible que des chercheurs médicaux qui ont reçu de l'argent de la fondation, eux, pourraient gagner le prix Nobel en médecine s'ils faisaient des nouvelles découvertes majeures. Il y a des précédents pour ça, par exemple la fondation Rockefeller qui a donné de l'argent à 47 chercheurs qui ont gagné des prix Nobel. Ah. Donc ça pourrait être la même chose, mais le crédit ne va pas évidemment à la fondation de Bill Gates. J'avoue. Voilà qui répond à notre question. C'est cool. Il nous reste juste assez de temps pour parler avec Samuel Girard de l'émission Génie en liberté qui s'en vient dans quelques instants. Bonjour à toi. Hey, bonjour. Ça va? Salut vous deux. Ben oui. Ça va bien vous autres? Ben, mais hein, ça va bien. Génial. Génie en liberté qui commence dans quelques instants. Qu'est-ce qui se passe à l'émission cette semaine? Très simple. C'est la première fois que j'ai si peu de sujets, okay. Mais en même temps autant de contenu. Bon, c'est bizarre du même. Ouais, c'est ça. Donc, début d'émission, j'avais parlé la semaine dernière que j'avais un malaise avec le Cégep de Trois-Rivières qui annule une conférence d'un chercheur. C'est vrai. Eh bien, on parle avec ce chercheur-là ce matin. Sur les changements climatiques. Exactement. Donc, M. Rénal Duberger, j'ai hâte d'entendre qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc, en fait, j'y ai demandé qu'il nous résume un peu la conférence qu'il aurait donnée au Cégep. Oui. Et aussi, on va parler d'un texte qu'il a écrit sur les faussetés répétées sur les documentaires à Radio-Canada. Oh, OK. Parce que, ouais, il dit qu'il y a ils ont beaucoup de contrats avec CBC. Oui. Et eux ont pas une rigueur dans leur recherche, mais sont obligés de prendre les documentaires de CBC et les traduire en français pour les présenter à Radio-Canada. Okay. Donc, il y a comme un... Il y a des gens qui le savent à Radio-Canada qu'il y a des faussetés, mais en même temps, sont comme obligés de les présenter. Fait que là, c'est un peu ça qu'il a noté, donc on va discuter de ça aussi. Étrange, OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Après ça, on va se garder un petit 10-15 minutes pour parler de quelques points d'actualité en général, entre autres Star Wars, les élections partielles, quelques commentaires qui ont été dits à un souper presque parfait. Oui, ben oui. C'est ça, l'abolition des commissions scolaires qui serait soi-disant sexiste. Des choses comme ça. que j'essaie de comprendre. Un genre de petit ragoût d'idées différentes dans 10-15 minutes, ça va être bon. C'est ça. Ouais. Puis après ça, ben de 10 à 11 heures, là, ça va être la grosse discussion sur les résultats des élections. Ouais. Et j'ai invité pour l'occasion deux chroniqueurs animateurs de C'est fou. Des gens qui tournent autour de nous souvent, oui. Exactement, donc qui parlent de politique. Et je vais les nommer quand même. Oui, OK. Ben oui, alors il y a ton chroniqueur, Sébastien F. Gartin. Notre préféré du bulletin Gartin, les mercredis. Ben oui, oui. Alors il va être là une heure ce matin pour parler de politique avec nous. Et pour les habitués de l'émission Les Coups de France, on va avoir aussi Jean-François Chapdelaine qui va discuter avec nous. Intéressant. Oui, donc on va avoir quatre points de vue très différents. On va emmener en onde, on va discuter des résultats. Ça devrait être très intéressant et j'ai aucune idée de ce qu'ils vont m'apporter. Ça va être une belle surprise. Et une heure, ça va être beaucoup trop court, c'est certain. Je suis sûr qu'on va manquer de temps. C'est ça. Vous reviendrez, il n'y a rien entre 3h et 5h. Ouais, c'est ça. Sauf moi qui dois écrire mon mémoire, mais ça, c'est une autre histoire. Hein? Les études, ça passe après la radio. Hein? Faut savoir mettre ses priorités à bonne place. Exact. Donc, Génie en Liberté s'en vient à 9h30. Restez à l'écoute. Sinon, aussi aujourd'hui, on va avoir à 11h le dîner de con, évidemment. À 13h, la rediffusion du Mathieu Plancheau. Ensuite, à 17h, David Ferron sera là pour Palmarès du Monde. À 19h, très blues, assez fou, à l'émission de Denis Baudin, le papa de Tania. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci Alexandrine Pichet-Cyr qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Merci encore une fois à toi, notre ami de Génie en Liberté, Samuel Girard. Ça fait plaisir. Et on se retrouve lundi à 6h30, lundi à l'émission. Qu'est-ce qu'on a le lundi? Attention, aujourd'hui, lundi, voilà. Donc David Ferron va être là à 8h30 et on a aussi le retour de Marie-Christine Perra. Ouh, déjà. Sa chronique sur les arts visuels, tout ce qui est à voir à Trois-Rivières. On se quitte sur une pièce de Démé. Ah ouais? Du palmarès francophone. Ah, je croyais qu'on se laissait sur notre presque concours. Ah oui, oui. Okay. On veut vous faire deviner quelque chose. Oui, on va vous faire jouer une chanson un peu métal qui va ressembler un peu à ce que Samuel des fois aime peut-être dans l'émission du mardi soir Matière Noire. On va juste vous nommer le band et vous devez trouver quelle est la chanson. OK. Puis, évidemment, il faut que Samuel participe à ça. Fait qu'il faut pas qu'il regarde l'écran, mais qu'il revienne de ce côté-ci, OK? C'est bon? Alors, le band est I Prevail. OK. On écoute I Prevail, le band. On écoute ça juste après cette fin d'intro et on se retrouve lundi à 6h30. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Ah, puis venez laisser vos réponses sur Facebook. Oui, assemblage requis. OK. Bye. Things, magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Hey, hey. New money, suited, tied. I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the guy girls bad for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of best lovers. First I'll tell you what I'm missing. Cause you know I'm all the players. And you love the game. Cause we know you were reckless. We'll take this way too far. More with the nasty scar. Got a long list of best lovers. I'll tell you what I'm missing. But I've got a blank space, baby. It's alright, sure. Scary lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the queen, baby, I'm your king. Find out what you want. Nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of best lovers. I'll tell you what I'm missing. Cause you know I love. gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. I promise all next lovers, I'll tell you what means me. Cause you know I'm all the players, and you love the game. Cause we know you're reckless, we'll take this way too far. It'll lead you breathless. Hey, what's up, guys? We're out for Bail out of Southeast Michigan. Thanks for checking out our cover of Taylor Swift's Blank Space. Check out the video of our debut single, Below. Keep an eye out. Expect more from us. Taylor, if you're watching, my number is 248-820-6439. No. You, come on. She can read this. I told you once, I've told you twice. Stab me in the back and you're gonna...